Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce cercle des plus ludiques. Mon nom à moi est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux, geekitudes et autres choses de la culture populaire. Et je suis accompagné, comme à mon habitude, de M. Andrew Castegan. Salut, Andrew. Bonjour, M. Michel. Ça va bien? Ça va très bien. Écoute, cette semaine, Andrew, ce sera le temps de parler jeux tout plein, parce que cette semaine, c'est la Gamescom, et c'était la première journée. Ça a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est qu'on va sûrement vous en reparler la semaine prochaine. Il va y avoir d'autres annonces, mais quand même... Mais vous ne pouvez pas avoir plus frais. Ouais, les deux grosses conférences, en tout cas, les deux plus grosses ont été faites, je crois. On parlait bien évidemment de Microsoft et de Sony. On va en parler tout au long de l'émission avec d'autres nouvelles sur la Gamescom et autres nouvelles en général ludique, bien évidemment. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. On vous invite à vous y rendre pour écouter toutes nos anciennes émissions sous forme de podcast. Encore une fois, il va falloir les écouter via streaming. C'est pas possible pour le moment d'y downloader depuis à peu près 3 semaines. Un jour, ça va se régler. Petit ouais, problème avec l'hébergeur. Je sais. Oh non, on a peut-être, en tout cas, il faut qu'on s'en reparle, peut-être. Il faut qu'on fasse des calculs mathématiques, là, l'achalandage versus l'espace des fichiers. Ouais, parce qu'on a eu des offres pour trouver une nouvelle place pour les avoir, mais tu sais, vous savez... C'est compliqué. L'Internet, ce n'est pas gratuit, donc il y a des limites à ouais, ce que nous pouvons faire sur un hébergement, et c'est ça qu'il faut qu'on calcule. Voilà, donc ce sera dans les prochaines semaines. Mais vous pouvez quand même nous écouter en streaming, vous n'avez rien perdu, mesdames et messieurs. Vous pourrez les downloader plus tard quand ça sera redisponible, c'est tout. Et aussi, rendez-vous bien évidemment sur la page Facebook de Puissance Maximale. Puis là, à l'émission la semaine passée, on vous disait qu'il nous en manquait 15 pour atteindre le 500. Ben on l'a atteint pendant la nuit. La plus semaine. 25. Ouais, ben en fait, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, on a dépassé le 500. D'ailleurs, merci à tout le monde d'aimer Puissance Maximale, bien évidemment. Et comme je disais à tout le monde, continuez à propager la bonne nouvelle ludique, bien évidemment, en partageant notre page. Mais aussi, grâce à ça, ben, vous allez pouvoir participer à tous les concours de Puissance Maximale, dont il y en a deux présentement en cours. On en a un avec notre amie Véronique Thibault, alias Pink Vivi, qui nous fait tirer à chaque semaine des beaux petits goodies. La semaine passée, c'était sous le thème « Portal ». Et, oui, je suis jaloux. Ouais, il y avait des dont le pad de souris était très cool. Donc c'est pas compliqué, vous allez sur la page Puissance Maximale. Vous aimez la page Puissance Maximale, vous aimez la page de Pink Vivi et vous partagez la photo. C'est simple comme ça. Puis à chaque semaine pour la photo de Pink Vivi, c'est ce que vous allez vous gagner, la photo qui est partagée. Donc allez vous rincer l'œil et partagez bien évidemment cette image là. Et on a aussi un concours avec nos amis de la Revanche à Québec, le pub ludique qu'on aime beaucoup. On va souligner qu'il a été prolongé. Qui a été prolongé. ça devait se terminer la semaine dernière, mais là... En fait, le dernier, ça aurait été celui-là, le gagnant d'aujourd'hui. Ouais, c'est appelé ça, sauf que là, ben, on parlait avec les gens de la revanche. J'ai dit non, on va continuer les ça. Les gens de puissance maximale, les fans, c'est les meilleurs de la planète, vois-tu? Voilà. Donc, il a dit ça mot pour mot. Je suis sûr qu'il va surtout pas nous envoyer un message Facebook pour nous dire « De quoi tu parles? » Et ben, grâce à eux, grâce à la revanche, mesdames et messieurs, ben, vous aurez la chance encore de gagner des laissez-passer pour aller jouer à la revanche. D'ailleurs, nous, on est des gros fans. On est allés il y a 2 semaines. Sérieusement, je le dis, là, je crois que j'ai vraiment le goût d'y aller de l'avant et faire un saut d'approbation de puissance maximale. Oui, non, ça prendrait ça pour les commerces qu'on aime. Ça en prendrait une version informatique pour les sites qu'on aime et une version physique qu'on peut coller sur la porte du commerce qu'on aime. Ah, ça serait malade. Non, on pourrait faire de quoi, effectivement. Puis il y aurait une petite page là, sur notre site là, avec tous nos sauts, puis ça mènerait sur leur page et les autres, il faudrait qu'ils fassent versus. Ça serait génial. Ça serait malade. Puis là, ben évidemment, la gang de la revanche aurait ce saut d'approbation, bien évidemment. Donc, rendez-vous à la revanche pour jouer. Il faudrait faire un gala. Là, ouais, non, c'est ça. Et vous aurez, tapis rouge. Je vous disais, si vous aimez la page de puissance maximale, vous aurez la chance de gagner une paire de billets pour vous y rendre, pour aller jouer avec un ami ou avec d'autres aussi qui pourront vous accompagner. Voilà, tout simplement comme ça, allez aimer la page de puissance maximale et tout cela sera à votre portée, mesdames et messieurs. Et M. Castegan, comme le veut la tradition à puissance maximale, nous allons commencer cette émission en musique. Et là, ces temps-ci, j'ai un problème de Super Nintendo. La plupart des gens le savent. Je suis attristé. Je ne peux pas jouer, malheureusement, à mes anciennes cassettes présentement. Donc, j'ai comme envie de jouer. Tu serais venu de mes données. Non, c'est ça. Mais là, évidemment, vu que je peux pas jouer, ben... J'ai comme envie de jouer. J'ai pas la possibilité, donc j'ai vraiment envie de jouer. Moi, j'ai une activité alternative à t'offrir. Ah, j'ai plein d'autres jeux à jouer, là. Mais... Non, ben, tu pourrais aller visiter la page Facebook de Juste un Gamer, Jog, et lui commander des boîtes custom pour jeux de Super Nintendo. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? C'est pas commandé encore, mais j'en ai glissé un mot, j'ai donné les jeux, il a dit c'est bon, on s'en reparle. C'est puis parce après que ça, tu vas sur la page Facebook de Giz, puis tu vas sur le site qui te permet de te commander des protecteurs en plastique. Puis là, tu vas mettre tes boîtes dedans, ils vendent les petits cartons pour les tenir debout. Puis comme ça, tu vas avoir une belle collection protégée dans des plastiques, ainsi que des boîtes custom. Fait qu'il va juste te manquer les livrets. Ça vaut la peine, en plus, pour les bons jeux que j'ai. Là. On parle quand même de Final 2, Final 3, donc le Final 4 et Final 6, je sais pas. Ça me fait... Tout le monde dit, non, c'est Final 6, c'est beau, on le sait, là. Mais au pire, quand tu dis le titre, mets slash l'autre chiffre. Ben, c'est ça, je fais. Mais là, ça commence à faire des non, mais sans rajouter, on répond, t'es fait Final 2 slash nanana, ouais, puis nanana. 2 slash 4, 3 slash 6. Ouais. Chrono Trigger, Secret of Mana, t'as des excellents jeux. Mais selon Luc Biron, Secret of Mana est overrated. Non, c'est Legend of... Non, c'est Illusion of... Illusion of Man, ouais. C'est pas la même... Pas non, la même c'est affaire. Vrai, non, je me suis trompé, désolé du lapsus. Donc, voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment envie de jouer à Final Fantasy, et là, je suis retombé tantôt en faisant mon choix musical sur The Black Mages, que j'aime bien, reprise, groupe japonais qui font des reprises métal de thèmes de Final Fantasy, et je suis allé pour un thème de Final Fantasy 2/4, qui s'appelle Battle with the Four Friends. Je vous envoie ça dans vos oreilles. À puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9, Lévis! We'll be right back. Puissance Maximale vous présente les nouvelles ludiques. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs, après cette très bonne chanson de Black Mages qui s'appelait Battle with the Four Friends. Et là, comme vous avez entendu, c'est le thème des nouvelles ludiques. On sera en nouvelles ludiques pas mal toute l'émission parce qu'il y a la Gamescom qui a commencé aujourd'hui et déjà plusieurs grosses conférences, Microsoft, Sony, EA même. Donc, je suis déçu. Quoi? T'as oublié mon saviez-vous que? Ah, ben moi, je savais pas que tu voulais le faire. Ben alors, c'est la tradition. Allons-y, M. Castegan. Ben, saviez-vous que le jeu Pikmin sur GameCube, donc premier du nom, on peut le jouer sur un ordinateur. OK. En tout cas, il y a une version... Non, en fait, c'est que le jeu est mal compilé sur le disque de GameCube. OK. Donc, si vous prenez le disque et que vous le mettez dans un lecteur d'ordinateur, il y a un fichier .exe. Donc, vous pouvez partir le jeu sur votre ordinateur. Ah ouais? Bon, ben ça y est, faut que je trouve quelqu'un qui a un jeu Pikmin GameCube et qu'on teste ça. Je sais pas si ça va être compatible Windows 7, par exemple. Je sais pas. Ça sera testé. Ah ouais? Mais tu peux pas jouer. Ben, ils disent « The GameCube disc for Pikmin contains a Windows AXE files and can be played on a computer. » Non, mais ouais, ça va être n'importe quel gamepad, tu le configures. Ben, allez, tu achètes un adaptateur qui permet d'utiliser une manette de GameCube sur un ordi, t'es correct. Ah, on peut faire ça, il y a ça, ça existe. Diantre! Écoute, il y a des adaptateurs pour brancher une manette de Play 2 sur un ordinateur, fait que un adaptateur pour brancher une manette de GameCube sur un ordinateur, ça m'étonnerait pas. Donc, ce sera surveillé pour les amateurs de Pikmin qui ont ça chez eux. Qui, je viens de te partager le lien du Did You Know. Donc, je vais vous mettre ça sur la page de Puissance Maximale. Mais c'est ça, là, pour les nombreuses personnes qui ont Pikmin à la maison, mais qui n'ont plus de GameCube, ils ont juste besoin de mettre ça dans leur PC. C'est magique. Par exemple, je sais pas s'il roule bien, là, mais en tout cas, il part. Ce sera à tester, en fait. C'est pour ça que j'aimerais ça avoir ça sous la main. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a Pikmin version GameCube... Mais peut-être que la planque en a une copie. On pourrait faire un test. Contactons Jessica. Ouais, je vais contacter Jessica pour lui demander ça. J'emmène un ordi, Jessica. Ou je vais t'emprunter le jeu, je te le ramène. Donc, voilà, c'était la nouvelle... solide, un peu quand même, là, la semaine de M. Castegan. Et là, revenons à Gamescom, M. Castegan. On va parler tout d'abord de la conférence de Microsoft. Ben, en général... En tout cas, je peux déjà vous résumer. Je trouve qu'il n'y a pas eu d'énormes annonces. Il y a beaucoup, beaucoup de trailers et d'images qui sont sortis. La Gamescom, c'est comme la convention d'infos complémentaires de ce qui a été sorti ou autre. Moi, des grosses nouvelles de l'été. Là, on s'en vient. Puis là, on dit « Ah, ben il va voir ça, il va voir ça. » Le prochain gros salon où là, vraiment, on va s'en faire mettre plein la gueule. Le Tokyo Game Show. C'est le Tokyo Game Show. Tout à fait. Ça sera à surveiller, bien évidemment. Mais là, du côté de Microsoft, certains trucs, il y a eu beaucoup d'annonces de bundles. Donc, d'ensemble, jeux et consoles qui seront vendus avec justement différents jeux qui s'en viennent. D'ailleurs, je crois qu'il va en avoir un avec FIFA 15 qui s'en vient. Il va en avoir un avec Call of Duty Advanced Warfare. Certaines, d'ailleurs, il y a eu des images, il y a eu du gameplay aussi, mais là... C'est Call of Duty. C'est ça. J'avais beaucoup aimé ce qui s'en venait côté... On est dans la science-fiction, dans le Advanced Warfare, ce qui m'a pas déplu du tout au E3. Donc, on n'a pas rien vu de bien spécial. Sinon, autre bundle, rapidement, on en reviendra sur les jeux. Ils vont en sortir un, tout rapidement, comme ça. Il y en a-tu un autre? Je pense que c'est tout. Je pense qu'il y a ces trois-là. Et puis là, il va en avoir un blanc aussi. Ouais. Xbox blanc qui a été annoncé, qui va être au même prix. Mm-hmm. Donc, ça s'en vient également pour ceux qui ne peuvent tolérer... Une console noire. Une console noire, ben il y en a une blanche qui s'en vient. Je vais dire la chose suivante, vous êtes raciste. Vous êtes raciste, tout à fait. Donc, ça s'en vient, mesdames et messieurs, pour les amateurs de consoles blanches aussi. Sinon, ben ils ont beaucoup parlé de Halo, de Master Chief Collection. Ça, ce qui m'avait beaucoup, beaucoup accroché dans la conférence de Microsoft au E3, parce que quand même... Ben, tous les jeux de Halo version HD, remasterisée. Il n'y a pas d'avoir eu de prix, par exemple, qui est sorti. Je ne crois pas, non. Parce que Eric, une des choses qu'il disait, c'est que c'est cool, mais... À quel prix ça va être? À quel prix? Même ça, c'était pas si mal. Ça me semble que j'avais vu passer un prix. Faudrait que je revérifie. Il me semble que c'était le prix d'un jeu régulier, puisque c'était des remastered editions, mais il y avait une édition collectionneur qui coûtait plus cher, là. Parce que je sais, avec ça, bon, on rappelle que avec la Halo Master Chief Collection, vous avez tous les jeux remasterisés, un accès à la bêta de... Il est 69,99. Bon, ben tu vois, c'est pas si cher que ça. Du moins, c'est le prix affiché sur les sites de où il, on peut le bon, précommander. Sur 80$, ce qui est très honnête pour 4 jeux, plus accès à la série... Halo Nightfall, qui s'en vient aussi, dont il y a eu quelques images. C'est produit par le studio de Ridley Scott, d'ailleurs, cette série-là. Et vous allez avoir aussi la bêta, accès à la bêta de Halo 5 Guardians. Pour 60, tout ça pour 80$. 69,99. 69, excuse, donc, 60, donc 70$. C'est le prix à 80 avec les taxes. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est le prix maintenant de n'importe quel jeu qui sort de jeu neuf. Donc, mettons là, que vous avez pas tous les titres. Là, ça vous tente de vous relancer là-dedans, vous relancer dans Halo. C'est tellement un bon achat. Même moi, je l'ai dit, puis je le répète, là. C'est genre de ce produit-là, là. Mettons que j'avais de l'argent, là, puis que je me cherche une nouvelle console. Ça pourrait faire pencher la balance pour m'acheter une Xbox. T'en faire, c'est des beaux produits comme ça, offerts à des prix, à un prix qui a quand même assez, pas mal d'allure, là, pour 4 jeux, puis tous les bonus qu'il y a autour. Moi, sans faire, ça attire le regard. Remasterisé pour avoir un bon frame par seconde. Les éditions anniversaires de Halo 1 et 2. Le 3 était quand même très bien pour parce qu'il était fait sur console Xbox 360. Donc, ils l'ont juste mis en 1080p. Puis tatati. Moi, je dis ça, puis j'aime même pas les first person sur console. Mais la manette d'Xbox, ça se prend bien. Ah oui, elle va mieux que la PlayStation pour ça. Ça c'est les first person shooter, la manette d'Xbox... Elle roule bien, je trouve. Ouais. T'apprends comme une boule de ki, puis à part. N'importe quoi. Oui, je sais. Mais non, pour ce produit-là, ben là, ce qui est ressorti, ils ont parlé un peu du mode de multijoueur dont ils ont parlé pendant cette conférence-là. Et aussi, ils ont quelques images de la série, justement, Halo Nightfall. Et ils ont parlé aussi de la bêta. Qui parle d'une date. Ouais, le 29 décembre 2014 pour la bêta de Halo 5 Guardians. Aussi en même temps, Gamescom, c'est généralement le salon de jeux où ils confirment les dates. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est le fun de c'est bien le fun d'avoir des trailers de jeux ou E3, mais c'est le fun de savoir aussi dans quel coin ils pensent le sortir le jeu. Sinon, ben ils ont aussi montré une vidéo de 8 minutes de gameplay du jeu Quantum Break, qui est une exclusivité Xbox One, qui est un jeu à la troisième personne avec des phases de tir, avec des pouvoirs permettant de contrôler le temps. J'ai regardé les bandes-annonces du jeu, ça a l'air bien, mais c'est le studio qui me fait peur. Et c'est quoi le studio qui fait ça? C'est le studio, le développeur, c'est Remedy. Puis l'éditeur, c'est Microsoft. Remedy, c'est eux qui sont en arrière des jeux comme Alan Wake, le genre de jeu d'horreur où les monstres étaient des ombres, puis il fallait les éclairer avec des flashlights. OK. Est-ce que c'est beau, là? Moi, je suis en train justement de regarder les vidéos. Ben, c'est ça, c'est à cause que Remedy Studio, c'est pas un mauvais studio, mais ils ont perdu de... En fait, je vais vous dire l'origine, là. C'est eux qui ont travaillé sur Max Payne 1 et 2 avant que la franchise soit reprise par Rockstar. OK. De là aussi, la réutilisation, parce qu'on a parlé justement de pouvoir pour ralentir, contrôler le temps. On parle de bullet time. Malgré que Max Payne 1 et 2 sont excellents, je trouve que c'est un studio qui a perdu un peu sa fraîcheur depuis qu'ils ont perdu ces licences-là. Ils ont travaillé sur des jeux comme Alan Wake, que je disais, ou Dead Rally Mobile. Puis là, Quantum Break, c'est comme le nouveau jeu AAA là, qu'ils sont en train de travailler. Là. Fait que... J'ai hâte de le voir quand même, mais mettons qu'on... Je me garde une réserve. C'est ça. Ben, on n'est pas... Ça goûte le réchauffer un petit peu. Mais ça a de la gueule. Tu regardes les gameplays. Là, j'ai regardé un peu le gameplay puis le trailer. Ça a de l'air d'être vraiment sa coche. Ça a vraiment de l'air hot. Mais t'es plus que c'est un studio qui a pas été long, qui a été beaucoup dans l'avant-scène avec Max Payne, qui a retourné en arrière, qu'on n'a pas entendu pendant très longtemps, qu'Alan Wake, ça a été... moyen comme résultat. Quantum Break, je me garde une réserve. Je vois justement, là, pendant qu'on se parle, là, le vidéo avec le pouvoir, là, c'est très efficace. On contrôle le temps. On peut faire des zoom-in sur les personnages, des beaux graphiques. J'ai hâte de voir le résultat final parce que là, on voit le gameplay quand même. C'est toujours de savoir quand on sent les mains à quoi ça ressemble. Mais non, ça a l'air intéressant quand même, mais c'est pas évidemment... ça devient de plus en plus difficile de toute façon de, tu sais, de, pas de révolutionner, mais d'avoir quelque chose de nouveau dans le domaine du, surtout du shooter, je dirais, là. Ben c'est ça, fait que t'es comme je disais, ça peut être autant une excellente surprise, puis qu'on soit vraiment sur le cul, puis qu'on fasse comme hein, c'est donc ben hot ce jeu-là, je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, je m'attends pas à un flop. Je m'attends soit à un jeu qui va être vraiment excellent ou standard. Disons une réussite honnête de ce jeu-là, là, tu penses. Peut-être pas des records, mais ce sera pas un flop. C'est ça. Mais comme il peut en battre des records, là, on n'a pas beaucoup de détails. Moi, non, c'est ça. Là, lui, je veux dire, on a bien beau voir le gameplay. C'est comme pour Witcher 3, ben, je peux en parler tout de suite là, parce que c'est rapide comme nouvelle. Il y a eu un autre, je pense, 5-6 minutes de gameplay qui sont sortis. T'sais, c'est le traditionnel salut. Je veux pour The Witcher, quand on connaît le monde, là, ouais, on rappelle que les Witchers, c'est des chasseurs de monstres. Donc, ils rentrent. Hey, qu'est-ce qui se passe dans ton village? Ah, il y a des monstres à tuer. Ça fait que la pression s'en va dans le coin, dans la région autour du village, puis on tue des monstres. Fait que c'est pas mal ça le gameplay que le gameplay a montré. Ça nous donne pas une grosse idée de ce qui s'en vient au niveau du jeu, surtout avec les nouveautés qu'ils nous promettent. Donc, au niveau de Quantum Break, quand on voit un trailer comme ça, je veux dire. C'est bien beau. Les pouvoirs, ça, effectivement, sont intéressants. Justement, justement tout ce qui est scène de poursuite, ces affaires-là, de fuite, j'ai hâte de voir comment on va pouvoir jouer avec ces pouvoirs-là. Mais sinon, il n'y a personne qui peut l'essayer. Pour le motif, je veux dire, c'est du gameplay vidéo. Donc, moi, de toute façon, le gameplay vidéo, je suis jamais très, très, très impressionné par ça. Mais bon, ce sera à voir. Un titre à surveiller. Quantum Break de la gang de Remedy. Sinon, il y a la gang pour... Il y a Phil Rupp de Evolve qui est passé aussi pour parler du jeu. Qui va avoir une sortie donc pour le mois de janvier 2015 sur Xbox One. Pour la bêta. Pour la bêta, c'est ça. Donc, préparez-vous, joueurs de Xbox. Sinon, ben... Le jeu devrait sortir en février. Non, c'est en plein ça. Et sinon, il y a Fable Legends, qu'on avait bien aimé ça, qui rentre dans peut-être une future tradition du 4 contre 1. Ouais. Donc, d'un jeu coopératif à 4. Ben, un peu comme Evolve aussi, va dans cette tangente-là. C'est en plein ça. Donc, Fable Legends aussi, un bêta pour le 16 octobre prochain. Et il y avait du monde qui se demandait, parce que quand que Fable Legends avait été montré au E3, il manquait cruellement d'une chose. Quoi? De poulet. Parce que dans Fable, on peut botter des poulets. Puis il y a un titre qu'on peut avoir du fait qu'on botte des poulets. Puis là, il y avait du monde sur Internet qui disait, mais où sont les poulets dans Fable Legends? Est-ce qu'il va y avoir des poulets? Et oui, il y aura des poulets dans Fable Legends. Donc voilà, pour ceux qui avaient peur, ça s'en vient. Ben quoi, il y a bien du monde qui s'inquiète pour les piscines dans les Sims 4. Non, c'est ça. Mais on peut pas vraiment. Puis il y a du monde qui s'inquiétait justement pour les cuckoos dans Hyrule Warriors. Mais ça a l'air une arme. Ah, enfin, ils ont compris. On ne peut se passer de ces gentils galinacés, mon cher Castegan. Mais non, mais Sako, j'aime bien la réflexion, par exemple, pour Hyrule Warrior. Oui. Le fait que plein de bonhommes. Ben, ça prête un power, genre, t'es calme. Non, mais il y a eu une joke là-dessus où le monde il disait pourquoi que Link attache pas un poulet sur son bouclier. Fait que là, les monstres, à force de frapper sur le poulet, ben, il y aurait l'attaque de plein de poulets. C'est ça. Sauf que le personnage originel qui a été créé pour Hyrule Warrior, parce qu'il y a des personnages de la série, mais il y en a un typique à Hyrule Warrior, elle a une arme qui c'est une Summoning Gate. Ah, ben là. Elle fait apparaître des poulets. Oh yeah! Fait que un de ses coups, d'ailleurs, c'est un giga poulet. Fait que j'ai fait, ça y est. Tu as trouvé ton personnage préféré. Il y a des boulets. Autre jeu dont Microsoft a parlé. Ton troisième bundle. C'est en plein ça, je l'ai vu tantôt. Sunset Overdrive, ce jeu de parcours slash tir à la troisième personne. Un peu à la Serious Sam. Ouais, BD. Vraiment des milliers de monstres. Mais vraiment déjanté à fond. Ils ont remontré des images de ça, une nouvelle bande-annonce. C'est la gang d'Instamiac Games qui fait ça. Et nous ont présenté un bundle, donc un ensemble jeux et consoles. La console blanche. Avec la console blanche, voilà. Donc, pour les intéressés. Sinon, écoutez, la grosse annonce qui a été faite pendant cette conférence-là et qui en a inquiété plus d'un, et je pourrais donc en parler tout de suite, c'est la supposée... De te sauter un jeu en plus. Ouais, mais Forza... Ouais, juste dire qu'ils ont montré plus de fonctionnalités sociales. On s'en sacre. Et voilà, c'est passé. On s'en sacre de ça. Maintenant, tu peux passer à l'autre annonce. Donc, hier, donc pour revenir à cette nouvelle, donc Rise of the Tomb Raider serait une exclusivité Xbox One. C'est ce qu'on a appris hier, sauf que Il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient s'agir qu'un un coup de pub. Sauf que là, il y a une déclaration de Crystal Dynamics qui confirmait la suite du reboot de Tomb Raider et qui serait disponible que sur Xbox. Et là, ben là, il y a plein de monde qui capotait. Puis là, tu sais, la gang de, justement de Crystal Dynamics puis de Microsoft, tu sais. Ils ont sorti à midi. Pas trop clair sur leurs propos et tout. Mais là, il y a certaines personnes qui ont pas, certaines personnes n'avaient pas remarqué que le jeu avait pas été annoncé en exclusivité sur Xbox One, mais sur Xbox. Donc, ça laisse le champ plus large. Donc, la gang de Eurogamer a interviewé Phil Spencer, le big boss de la division Xbox de Microsoft, et celui-ci a expliqué que Rise of the Tomb Raider serait également disponible sur 360 à sa sortie. Donc, en juin dernier, on avait remarqué que les jeux étaient disponibles en précommande sur Xbox One et 360 selon le site officiel de Xbox, mais également sur PS3, d'après Amazon UK. Donc, Spencer a confirmé que l'accord n'était que temporaire. Donc, voilà, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur. De toute façon, et là, c'est Mike qui parle, pour ce genre de gros titre-là, ça aurait été complètement illogique et ridicule que ce gros titre-là ne soit que disponible pour les gens de Microsoft, pour les détenteurs d'une Xbox One ou d'une Xbox 360. On se rappelle quand même du succès du premier titre du reboot de Tomb Raider, qui a quand même été assez populaire sur toutes les consoles et sur PC. Donc là, ça m'aurait bien étonné que ça ait été en pure exclusivité sur ces deux consoles-là. Donc, on parle d'une exclusivité temporaire, mesdames et messieurs. On nous dit que ça va sûrement ressortir sur PC, PS4 et PS3, sûrement. Mais bon, rien n'est confirmé encore. Parce que justement, M. Spencer a dit dans notre vue, et on vous rappelle que pour les nouvelles à puissance maximale, on se fie beaucoup à la gang de jeuxvideo.com. On nous dit, Spencer a dit, je n'ai pas acheté la licence ni le studio. Il parle ici de tout ce qui est rattaché à Tomb Raider. Quand tout cela se terminera, donc l'accord entre Xbox et Square Enix pour Tomb Raider, comme pour Dead Rising ou Rise, on verra ce qui se passera avec ce jeu. On vous rappelle que Rise, ce fameux jeu... à la God of War. Oui, c'est ça. Rise, Son of Rome, qui était exposé justement le God of War de Microsoft, du Xbox. Et il va être disponible sur PC. Donc, je vais pouvoir jouer à ce jeu moi-même. Moi aussi. On va pouvoir tester ça. Ben bon, les critiques avaient été assez ordinaires. C'était pas mauvais, mais... Ouais, puis dans le cas des joueurs, c'est un cas de j'aime ou j'aime pas. C'est ça. Ben, tu sais, si on est amateur de God of War, c'est sûr qu'on va on va plus cliquer, mais bon. On nous dit qu'on peut en déduire comme pour Dead Rising 3 et Rise of Rome. Ce sera pas exclusif à Xbox, mais sortira aussi peut-être sur PC, qui sait. Mais ça m'étonnerait. Là, il y a bien des gens qui sont pas sûrs que ça va sortir sur. Moi, ça m'étonnerait bien gros que ça sorte pas sur PlayStation. Si ça sort pas sur PlayStation. C'est d'un je vais être fâché. Je me demande, ben moi je vais trouver ça assez ridicule, merci. Puis ils veulent pas fâcher un roux. Non, ça c'est sûr, parce que c'est lait un roux fâché. Puis c'est lait un roux à base. De base, mais fâché, ça a pas d'allure. C'est pire. Ça donne des hauts de cœur à Michael. C'est ça. C'est Michael qui fait comme un chat qui a une boule de poils dans la gorge. C'est pas chic non plus. C'est pas chic. Vous voulez pas voir ça. Tout ça pour dire, mesdames et messieurs, que. Et on se rappelle, je pense qu'il y avait eu plus de ventes sur PS3 que sur Xbox pour le premier jeu. Donc. Et on parlera pas de la Definitive Edition. Bon, c'est ça. Donc là, ça m'étonnerait bien gros qu'elle sorte pas sur PlayStation parce qu'imaginez les ventes qu'ils vont perdre. Mais surtout que Sony ont atteint le 10 millions de consoles. Puis Xbox, ça va pas super bien leur vente de nouvelles consoles. Donc là, plus de consoles du côté de chez Sony en plus. Est-ce qu'ils seraient prêts à se tirer dans le pied à ce point-là? Mais bon, tu sais... Ben, moi, je vois ça comme un stratagème de la part de Microsoft. Parce que créer une fausse rareté? Non, pas ça. C'est juste parce que qu'est-ce qui est arrivé avec Nintendo? Nintendo en arrachait solide avec le Wii U. Ils en arrachent encore, mais déjà, ils sont peu mieux. Ça va mieux. Là. Parce qu'ils ont commencé à sortir des first-party games. Mais Microsoft, ils sont arrivés, ils ont fait « Bon, ben là, ça nous prend un gros titre. » Parce qu'est-ce qu'ils mangent chez Microsoft? Des gros titres. Comme Sony aussi. Mais t'sais, bref, Sony, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils font beaucoup de remaster edition de leurs jeux de PS3, puis il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Fait que il y a du monde qui embarque. Il y avait une bonne bibliothèque au niveau de la PS3. Tandis que Microsoft, pour l'instant, c'est stagnant un peu. Fait qu'eux autres, ils ont fait un accord avec Square Enix pour ainsi avoir le jeu en premier parce qu'ils savent qu'il va y avoir un hype sur ce jeu-là. Mm-hmm. Fait que là, le monde, ils vont se garocher dessus. En plus, ça va être à Noël 2015. Puis ceux-là qui ont des PlayStation, ben, il va falloir qu'elle attende à quelque part en 2016. Même moi, je suis même pas sûr que ça me tente d'attendre jusqu'en 2016 non, pour ça. Jouer. Là. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir. En tout cas, si c'est pas exclusif, et si ça s'en vient sur PlayStation, ce serait à savoir pendant combien de temps les fans devront attendre. C'est surtout ça que je me demande. Puis, en tout cas, si ça reste exclusif Xbox, là, j'essaie d'imaginer ce que Microsoft a proposé comme prix, comme compensation monétaire à Square Enix pour une exclusivité comme ça. Je veux dire, en tout cas, moi, je vois pas en quoi la compagnie Square Enix en a à gagner à rendre ce gros titre-là purement exclusif à Xbox. Je cherche dans ma tête, là, et je vois pas l'avantage, à moins que Microsoft leur ait promis la Terre, la Lune, mais le ciel entre les deux. Mais ce que j'ai lu dans l'article de jeuxvideo.com, qui est un petit peu plus étoffé que les articles que j'avais... Excusez-moi, lui, voyons, on est tous les deux avoir le même problème. Non, c'est ça, c'est difficile à soir. C'est les chips à Banero. Ouais. Pas cool, ça m'a fait manger ça. Mais tout ça pour dire que c'est à cause que Microsoft aurait offert du soutien financier au développement du jeu. D'où l'accord, moi. Parce qu'il faut savoir que Tomb Raider 1 a pris quand même plusieurs mois avant d'être break-even. Ouais. On parle pas rentable, là. Non, c'est ça. Ben, oui, rentable, en fait. Break-even, c'est qu'on paye nos dépenses par rapport au jeu, puis c'est tout. On n'a pas de... On n'a pas un profit... On n'a pas d'énormes profits par rapport à ça. Mais non, c'est sûr. Mais en tout cas, on verra bien. Écoute, je nous le souhaite à tous qu'il sera disponible sur toutes les plateformes, ma foi. Donc voilà, c'est dit pour Tomb Raider. Juste un dernier point. Oui, vas-y. Sur la conférence Microsoft. Oui. Il y a eu beaucoup de jeux qui ont été parlés, mais pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Mais il y en a une que je trouve qui vaut la peine d'être mentionnée. Les préchargements débarquent sur One. OK. Est-ce que tu veux avoir la définition de préchargement? Ben, peut-être pas moi, mais les auditeurs sûrement, M. Castegan. Le préchargement, le principe, c'est, exemple, vous achetez un jeu sur le magasin virtuel de votre Xbox One et le jeu sort le 4 septembre. Mais il y a une période avant le 4 septembre où vous allez pouvoir télécharger le jeu sur votre console, faire les mises à jour, et ainsi que quand le jeu va sortir... Il va se débarrer, puis vous allez pouvoir jouer. Ah, c'est bon, c'est un bon principe. Un peu comme ce que Steam permet de faire, d'ailleurs. Ça, c'est intéressant comme fonctionnalité. Ou Origin. Ben, bref, les plateformes PC. Ben oui, mais ils ont dit qu'ils se sont rapprochés du PC. Il faut bien que ça serve à ben toi. Ouais, ben oui, effectivement. Non, c'est une belle idée. On a scrappé notre rétro là, pour ça. Là. Ouais. Mais là, ça va commencer quand? Ce service-là est déjà en place sur Xbox One? C'est parti? Ah, bonne question, M. Castegan. Fin septembre. Ah bon, ben ça va prendre encore un petit temps, mais ça s'en vient. De toute façon, les grosses sorties iront pas, ça ira pas avant probablement justement octobre et aussi pour le temps des fêtes. Donc on a le temps, mesdames et messieurs, de recevoir cette fonctionnalité-là sur notre Xbox One, pour ceux qui en ont une, bien évidemment. Alors, c'était le résumé de la conférence de Microsoft, M. Castegan, et nous allons passer en pause musicale pour nous rendre tranquillement vers celle de Sony. Juste une petite parenthèse rapide. Oui. Ben, on a du monde qui nous parle sur Internet. Il y a deux choses, parce que là, on demande des comptes rendus. On s'est fait lancer un défi d'atteindre le 600 j'aime sur la page Facebook d'ici la semaine prochaine. Là, on nous demande si on accepte le défi. Écoutez, c'est tellement pas dans... en fait, le défi vous est lancé à vous, chers auditeurs, parce que nous, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Mais si vous aimez vraiment beaucoup Puissance Maximale, ben partagez le maximum. Parce que nous autres, on a fait pas mal le tour de notre liste d'amis. Là. Non, c'est ça. T'sais, puis les faux comptes, puis voilà. T'sais, ma batch a atteint sa limite. Là. Si vous vous promenez, là, sûrement que Kim Jong-un aime Puissance Maximale. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est d'entre vos mains, mesdames et messieurs, si vous voulez voir Puissance Maximale atteindre le 600 j'aime, ce que j'aimerais bien, d'ici la semaine prochaine, ben, partagez au maximum notre page Facebook, bien évidemment, et peut-être qu'on pourrait y arriver. Deuxième chose, il y a du monde qui dit que je suis méchant parce que c'est cute, un pandorou. Donc, je tiens à faire un disclaimer. Les pandorous n'étaient pas inclus dans ma déclaration qu'un roux, c'est lait à la base. Ah, voilà. Donc, je parlais de la jante humaine. Donc, on vous rappelle, mesdames, masculine. Monsieur Castegan est roux, donc il sait de quoi il parle. Donc, mesdames et messieurs, il est parce temps... que là, j'ai spécifié masculine parce que quelqu'un m'aurait dit, moi, mais les roux, c'est... On n'en finira pas cette histoire-là. Monsieur Castegan, nous allons aller en musique. Et là, cette fois-ci, on va y aller. Je pense qu'on a le temps. On va y aller pour deux tonnes. On a le temps. Et là, on va commencer, M. Castegan, parce que ça me tentait, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu de François Pérusse. Puis je disais, on va prendre d'envoyer un peu à l'émission. Et on va y aller avec un classique, mesdames et messieurs, celle du snack bar chez Raymond. de François Pérus. Et tout de suite après, on va envoyer ça avec mon oncle Serge. Parce que là, là le monde, là, ça commence à être difficile. Là. Il y a bien de mes amis que là, le hockey a fini sur une note un peu plate avec les séries éliminatoires l'année dernière. Pas l'année dernière, mais ce printemps. Puis là, le soccer, ils sont pas trop fans. Ils ont donc hâte que le hockey revienne. Ben là, j'ai pensé à eux autres. Avec une chanson de Mon Oncle Serge qui s'appelle Team qui gagne. C'est qu'on vous envoie ça back à back. François Pérus et Mon Oncle Serge dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Snack bar chez Ramon. Snack bar chez Ramon. Entre deux villages creux de la petite bord de la 132. Snack bar chez Raymond. Aménagé dans le milieu de nulle part, bonne moitié d'autobus. Sur un terrain, parsemé d'herbes à puce. La serveuse échouffe, pas fait des fautes, son menu. Une vieille tabac pique-nique, tu prends des écharpes dans ton cul. Y'a un repas du jour, je te suggère pas toujours. Y'a un cheveu sur ta boulette, puis le chef y'a un pickle sa tête. Au comptoir, il ferme le screen pour être sûr de bien garder mon champ dedans. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Pour oublier ton calvaire, un bon burger qui coule à terre. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Pis mon vieux, quand tu reviens manger là, ça fait une boule sur l'estomac. Pack dans les parten, quand il va, ça y en fait trois le soir. L'annonce, ça s'allume, pis manque des lettres dedans. Pack au lieu de restaurant, c'est marqué restant. Manger là-dedans, c'est pas pire dans un sens. Ça se pourrait que ça revienne dans l'autre sens. Y'a des mouettes dans les poubelles qui mangent la même chose que toi en battant des ailes. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Viens t'en bobber, on s'en va faire le fil avec des morons. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Que dit aux œufs, que dit aux poulettes. Que dis donc la face full de ketchup si tu l'es. C'est pas compliqué, tu roules, pis tu vois rien à l'horizon. Pis mané, c'est snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Tant qu'à manger cochon, tous pénalis dans les bas-fonds. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. T'as lieu de joie le verre de six bols de cholestérol. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Si t'es du genre à surveiller ce que tu manges, mais surveille ta boulette, elle peut se pousser entre les deux tranches. Un bon hot de graisseux qui goûte la même chose que les œufs. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Annonce de Tim Hortons tout le long de la bande. Molson Dry à 11,50, entre 2 à 8 piastres. Que si tu penses, je m'enclenche 3, 4, pis au yob la dépense. Les joueurs arrivent sa glace, ils sont la rage d'en face. Leur lame dans patinoire, ça graffine rare. Ça fait des lignes comme d'en face à Claude Blanchard. La bière rentre bien, hostie J. Swift, mais tu t'écoutes. Siffle le ref, les joueurs s'alignent, s'alignent bleu. V'là un gros toxon avec un côte à queue. Ils chantent là au Canada, j'ai larmes aux yeux. Mais déjà, c'est l'heure de la mise au jeu. L'arbitre penche entre les joueurs de centre. La Molson coule, les hot dogs se vendent. La tension monte, la foule scande. Nous autres qu'on veut, c'est un team qui gagne. Nous autres qu'on veut, c'est un team qui gagne. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Un team qui gagne. Wow! Team qui gagne. C'est ça qu'on veut! Un team qui gagne, ça éloigne les problèmes. Check nos jeunes qui regardent la game. Une main sans Molson, une main sans hot dog. Il reste plus de main pour la drogue! quand on a eu un coach qui parlait pas français, je te dis que les péquistes, hostie que ça chiolait, mais mieux vaut la coupe en anglais que pas faire les séries en français. Fuck, on est un peuple, faut se tenir debout, pis on va être debout, mais qu'on ait la coupe. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Wow! Qui gagne! Les gradins sont pleins, ça boit de la Molson Dry, puis ça chante nanana, hey hey hey, goodbye. Imagine comment les estrades seraient vides si c'était un discours de Françoise David. La fourrure orange de Youpi, pis toutes ces belles barbes des séries. C'est-tu pas du beau poil à côté de la moustache à Manon Massé? Oh yeah! Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Un team qui gagne. Wow! Team qui gagne. C'est ça qu'on veut! Team qui gagne. Des bâtons CCN, pas des pancartes CSN. Team qui gagne. Des millionnaires tout en muscles, pas des PS en autobus. Team qui gagne. Des power plays à coche, pis des power pay dans leur poche. Team qui gagne. What does Québec want? C'est des villes en ensemble. Ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Un team qui gagne. Salut, c'est Fred. Seb. Vous écoutez Puissance Maximale. Il y a plein de mal. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Vous avez entendu Snackbar chez Raymond de François Pérusse. Et tout de suite après, Team qui gagne de Mononcle Serge. Pour ceux qui veulent absolument avoir du hockey, ben vous en avez eu en forme de chanson. Voilà, c'est fait. Monsieur Castegan, parlons maintenant de la conférence de Sony. J'ai perdu ma page. Voilà, Sony qui a fait quand même beaucoup d'annonces. D'ailleurs, Sony PS4 vendu dans le monde, on en a parlé, plus de 10 millions. Ça en fait beaucoup. Effectivement, ça en fait pas mal. Donc, Sony va bien. C'est remis de ces années de vache maigre avec les problèmes qu'avait eu la PSN il y a à peu près 3-4 ans. Les autres problèmes qu'il y avait eu aussi au niveau de Sony et les critiques qu'ils ont reçues. Donc, pour le moment, ça va bien avec la PS4. Bon, j'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de tester le jeu en ligne avec la PS4. Toi, t'as l'air de dire que ça va pas pire. Mais moi, le co-op, là, j'aimerais ça pouvoir prêter une PS4 à tous mes chums à qui je joue à Grand Theft Auto, là, mais qui sortent et qu'on le réessaye avec ça. Parce que... Ouais, mais il y a eu une belle annonce là, sur le mode en ligne, Michael. Ben, vas-y. Avec la mise à jour de la PlayStation 4, la version 2.0, c'est l'activation du SharePlay, mon ami. Oui, ben on en avait parlé, je pense que c'est pour une annonce qui avait été faite pour Far Cry 4, je crois. Exactement. Mais en fait, c'est les joueurs pourront inviter leurs amis à jouer en coopération, même si ces derniers ne possèdent pas le jeu. Pourvu que la personne ait un PS4 et un abonnement PlayStation Plus. C'est exactement. Puis de toute façon, Et que le jeu soit compatible, là. Mais de toute façon, la fonction va être là. Mais PS4, PlayStation Plus, on n'est pas obligé, mais tu sais, c'est comme fortement recommandé maintenant. Fortement recommandé. Donc maintenant, c'est quasiment. Ça vient de base quasiment aujourd'hui. Mais non, c'est le fun, ça. J'ai hâte de voir. Ça ne sera pas disponible sur tous les jeux, ça. Non, c'est ça. La fonction va être là. Il faut voir que l'éditeur l'utilise. C'est galère, on sait qu'il y a Far Cry 4. Et Drive Club. Ah, OK. Fait quand même deux jeux. Tu vois que Drive Club, là, ça m'emballe! Autant que Goat Simulator. Ah, après... Pourquoi t'as dit ça? Ça allait bien, là. Mountain Simulator. Ah, Rock Simulator. Rock Simulator. Ouais. Bientôt, il va y avoir Pizza Simulator. Ça serait cool. Non, j'ai faim. Ouais, simulateur de pizza. Je parle, tu m'as parlé de pizza, j'ai faim. Sinon, point de vue hardware, des nouvelles mises à jour. Ils ont aussi parlé de la PlayStation Now, qui est déjà en bêta, d'ailleurs, au niveau des Amériques. Je suis allé vérifier et je te dirais que... Est-ce que je me censure ou je me censure pas? Dis-moi, Michael. Ben, t'es assez grand pour décider tout seul, Andrew. À date, c'est de la bip, parce que je peux pas utiliser le son, de marde. Ah ouais? On peut même pas acheter de jeu. C'est de la location. Oh! Fait que, rendons disponible une grande variété de jeux de l'ancien catalogue qui est non, pas rétro-compatible. Rappelle aux gens, c'est quoi PlayStation Now, Andrew? PlayStation Now, c'est la réponse de Sony au fait que les jeux ne soient pas rétro-compatibles. Parce qu'ils disaient qu'on pouvait pas mettre de jeux de PlayStation 3 ou de PlayStation 2 ou peu importe la console dans la console parce que l'infrastructure et l'architecture est pas pareille. Bullshit. Fait que ça marche pas. Bullshit. Fait que là, ils ont décidé de sortir un service de cloud qui s'appelle PlayStation Now, puis qu'on peut payer. À l'époque, je pensais que c'était un abonnement mensuel, puis on avait accès à une bibliothèque de jeux, mais non! Oh non, Monsieur Castegan! C'est tu as un catalogue de jeux et tu peux payer pour y jouer. Je dois avouer, c'est somme toute pas trop cher. C'est on, combien? On parle, ça peut jouer entre 1$ et 5$. Puis le 5$, là, c'est pour 3 mois. Ah, quand même! Quand même! Ça a de l'allure! Quand même! Mais ça reste que... Ça me fait un peu suer. Le 1$, c'est combien de temps? C'est une semaine, je pense. Bon, pour une pièce. Mais tu sais, tout ça pour dire que qu'est-ce qui me fait suer, c'est leur réponse justement au fait que les jeux n'étaient pas rétro-compatibles. Enfin, moi, je m'attendais à un genre de store avec, il fallait racheter les jeux, mais tu sais, que les jeux, t'es avais, là, tu sais, ils t'en revenaient. Mais non, c'est un genre de système de location. Là, il y a du monde qui disent « Andrew, emballe-toi pas trop, c'est une bêta. » Fait que t'sais, c'est peut-être pas toute l'offre qui est là. C'est qui le monde qui dit ça? Le monde à ma job. Ah, OK. Mais t'sais, je suis d'accord, c'est une bêta, effectivement. Peut-être que pas toutes les fonctionnalités là. Peut-être à cause que c'est une bêta, on peut pas faire l'achat de jeu de suite parce qu'ils se disent qu'advenant le cas que la bêta a scrap, ben que tu perds pas tes affaires. Non, c'est ça. Mais quand même... Ben, on va espérer que c'est ça, mais moi, je trouve, en tout cas, ce service-là, pour le prix, ça a bien de l'allure, mais j'espère qu'il va avoir, comme tu dis... Je sais pas c'est quoi que ça prend comme connexion Internet, mais on peut faire un test de connexion pour voir si notre connexion est assez fiable pour qu'on ait une bonne expérience sur PlayStation Now. Okay. J'ai TGV 15, et ma PlayStation 4 me dit que mon Internet est pas assez fort. TGV 15, on vous rappelle, c'est 15 mégabits par seconde de téléchargement. De download. De download, qui est quand et même... Et 5 mégabits de upload. Mais ça, l'upload, en tout cas, moi, la misère un peu avec mon service aussi, là, mon upload, c'est en 7, je suis pas à avoir 10, puis je monte même pas à 1, mais bon. Ah, mais ça, c'est les joies du Canada, mon cher. Ouais. Yeah. Mais bref, tout ça pour dire que, pour l'instant, je suis comme... Je suis pas emballé. On verra. En tout cas au moins, les prix sont raisonnables. Là. Non, les prix à sont honnêtes. À 5$ pour 3 mois, un jeu, ça a bien de l'allure. Surtout que c'est une belle... Je trouve que c'est une belle réponse à le déclin tranquillement pas vite de tout... tranquillement pas vite, c'est presque terminé, là, on va s'entendre, du service de location en magasin. À part Microplay, là. Mais qu'est-ce qui serait sympathique, c'est qu'il y ait un prix par mois où tu pourrais faire comme Netflix, jouer comme à tu veux, ouais. Ça, ben, un peu comme EA veut le faire, d'ailleurs. Ouais. Pourquoi pas? Mais bon, déjà, à ce prix-là, ça, c'est, au moins, c'est pas, pour le prix, ça a de l'allure, mais ça serait le fun d'avoir une alternative, effectivement. Sinon, quelques détails sur la PlayStation TV, un prix, on parle d'à peu près du 14 novembre, 100$, à peu près. Donc, ouais, mais ça, PlayStation TV, on vous rappelle, c'est comme une mini-console. Vous allez avoir accès à PlayStation Now avec ça, je me rappelle bien. Oui. Vous avez juste besoin de vous acheter une manette DualShock 3. Exactement. Pour pouvoir jouer. Ou 4. La 4, oui. La 4, elle marche dessus. OK. Et vous allez pouvoir avoir accès à certains jeux de cette bibliothèque-là. Parce que je pense en fait, c'est que le service PlayStation Now va fonctionner dessus. Si vous avez une PS4 dans la maison, d'où pourquoi que ça, vous pouvez mettre une manette DualShock 4, parce que ça vous prend une manette. Ils vous font pas racheter une DualShock 3. Puis, au moins, c'est ça. Puis vous allez pouvoir jouer avec votre PlayStation 4 en remote play. Ah, voilà. C'était ça la fonctionnalité. Comme avec la PS Vita, on peut faire ça. C'est une chose qui fonctionne très bien, étonnamment. Mais standalone aussi, on va pouvoir jouer avec... Oui, si vous n'avez pas de PlayStation 4, c'est juste parce que vous pouvez pas jouer à des jeux de PlayStation 4 avec non, la PlayStation ça. TV. Ça vous prend absolument le PlayStation Now. Sinon, ça va être avec la bibliothèque des anciens jeux de PlayStation. Mais c'est ça, mettez toute console compatible remote play va fonctionner avec cette boîte-là aussi qui va servir d'intermédiaire. Excellent, donc, et aussi, bien évidemment, on appelle ça PlayStation TV, donc accès à certains services... Télévisuels, voilà. Sinon, des annonces de jeux rapidement, Andrew, ce qui était fait pour la gang de Sony, quand même pas mal de trucs, des annonces, un jeu qui s'appelle The Tomorrow Children de Q Games, Hollow Point de la gang de Paradox Interactive, puis Alienation de Housemark, de la gang qui avait fait Dead Nation. Beaucoup de studios indépendants. Ouais, beaucoup de studios indépendants qui ont été annoncés. Et aussi Hellblade, le nouveau jeu de la gang de Ninja Theory qui avait fait DMC, Devil May Cry, donc le dernier titre de la série. Ouais, puis qui serait une suite spirituelle de Heavenly Sword. Donc ce sera à surveiller. Donc Hellblade, ça tomberait bien, tu sais, Heavenly Sword, Hellblade. Ouais, mais c'est ça. Ça fit. Parce qu'ils n'ont pas dit que c'était une suite, ils n'ont pas démenti que c'était une suite, fait que pour l'instant, le monde, ils ont fait constat suivant. Ça ressemble à une suite spirituelle. Ce sera à surveiller également. Sinon, un jeu qui s'appelle Wild, qui est chapeauté par un gars de Wild Sheep Studio, M. Michel Ancel, qui est un gars de... C'est un Français, en fait. Des images qui ont été présentées pour une exclusivité PlayStation 4 qui s'appelle Wild. On nous parle, en fait, monde ouvert, aussi grand que l'Europe, on nous dit. C'est quand même... Quand même grand. Quand même une bonne map. Mais pas beaucoup de détails. Et on nous dit que, bon... Selon le titre, ça va principalement se passer dans la nature. Ça a quand même de la gueule. Une allure, je crois, mythologie. On va jouer dans la mythologie. On voit un satyre, centaure, je crois, également. Ça va se passer... Ben, j'avais l'impression que ça va être un truc... ça ressemble à un truc barbare un peu. Ouais, mais c'est ça. J'ai hâte de voir, ça m'intéresse. J'ai hâte de voir ce qui va avoir moins l'open world. Je suis toujours intéressé de voir ce qu'on peut développer avec ça. Sinon, il y a d'autres annonces qui ont été faites pour... DayZ. Pour DayZ sur PlayStation. Je suis surpris. Tu veux dire qu'il amène ça sur Ouais, ben c'est à cause que console. Sony développe comme un peu son clone de ce jeu-là, H1N1, là, je pense qu'il s'appelle, ou H1Z1, bref, quelque chose de même. On en avait parlé quelques fois, là. Ça m'en revient pas. Ben, il y avait des températures, là, on parlait qu'il y avait de l'hiver. Ouais, ouais. Mais bref, ils développent ça, mais ils vont aussi amener H1Z1. DayZ. H1Z1, voilà. Et ils vont quand même amener DayZ sur PS4. Aussi, il va y avoir un jeu qui s'appelle The Vanishing of Ethan Carter. On nous dit d'ailleurs sur le site que c'est un jeu qui est intriguant. Donc, ce sera à voir aussi. Sinon, rapidement, d'autres trucs annoncés. Volume, Snow, Dreamfall Chapters, Nom Nom Galaxy, Papers, Please, ça c'est cool. Bien. In Space We Brawl, Either One, Cube 2, Pix de 4 d'ailleurs, que j'ai vu des images, je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part, mais je me rappelle pas où. On voit trop d'affaires dans une semaine, c'est pour ça. Ben, ça ressemble à un genre de Pac-Man avec un chat, c'est bizarre. Donc, dans les jeux, c'est pas mal. Il y a eu ça qui a été annoncé. Alors, on fait ça rapidement parce qu'il y a beaucoup de trailers qui ont été montrés, mais pas de grosses annonces. Puis des trailers, ça se montre mal à la radio. Ouais, c'est ça. Ben, The Order 1886 qui avait été montré au E3, j'avais été bien. T'as skippé quelque chose aussi, je voulais juste faire une parenthèse. Oui. Parce qu'il y a un gros article qui parle des retours plus ou moins attendus. Until Dawn, un jeu qui est annoncé depuis longtemps. J'ai pas les détails, fait que je tomberai pas là-dessus. Mais il y avait un jeu qui était sur PS Vita qui s'appelait Tear Away. J'ai pas joué à ce jeu-là, mais c'est fait par Media Molecule, la gang qui est à l'origine de Little Big Planet. Oh. Puis il paraîtrait que c'est un must-have sur la PS Vita, puis bien évidemment, je l'ai pas. Et ils ont annoncé un retour de cette franchise-là avec Tear Away Unfolded sur PS4. Oh. C'est que dans la prochaine année, on pourrait avoir quelque chose de genre-là. Ça expliquerait peut-être pourquoi ils ne travaillaient pas sur Little Big Planet 3. Ah. Mais il y a un autre projet mystère aussi sur lequel ils travaillent, mais ça pourrait être une partie de la réponse. D'accord, donc à surveiller pour ceux qui suivent ce classique de la PS Vita. Peut-être quelque chose qui s'en vient en fait sur PS4 pour l'année prochaine. Sinon, tout ça dans les trailers, rapidement, The Order 1886, qui a été... on avait déjà montré des trucs, ils en ont remontré encore... Toujours aussi intéressant. Sinon, Middle-Earth de Shadow of Mordor, ça, j'ai hâte de jouer à ça. Ça a de l'air hot. Ça a l'air malade. En fait, un gameplay un peu à la pour le combat à la Arkham Asylum, dans ce genre-là un peu. En gros, on joue un ranger qui a été... qui est habité par un esprit, un peu comme un esprit de l'anneau, un Wraith, lui doit faire basculer la guerre. Ce qu'il fait, c'est qu'il attaque des orques, il va en posséder, il va en envoyer pour combattre contre d'autres orques. C'est un système qui se développe à travers, tout seul pendant le jeu. Il fait popper des nouveaux ennemis, c'est un gameplay qui change à chaque fois. Ça a l'air vraiment intéressant, moi j'ai vraiment hâte de voir ça. Paraît-il que ça fait longtemps qu'il travaille sur ce jeu-là, du studio là, qui travaille là-dessus. J'ai vraiment hâte de jouer parce que j'ai vu beaucoup de gameplay. Sur au E3, j'avais vu un long gameplay d'une quinzaine de minutes, 20 minutes à peu près. Puis c'est un des développeurs du jeu qui joue puis qui commente en même temps. J'étais vraiment, vraiment impressionné. J'ai hâte de voir ce jeu-là. Sinon, rapidement, il y a eu Bloodborne aussi, qu'on dit que t'as justement, on parle de spiritualité, un fils spirituel de Demon's Souls puis de Dark Souls, ouais, qui est très montré aussi. Dans d'autres mots, un violeur d'égo de joueur. Ouais, c'est ça. Et finalement, Destiny, la bêta est en place depuis un petit moment déjà. Je l'ai sur mon PS4, je l'ai même pas ouvert encore. Qu'est-ce que t'attends? Le temps, monsieur inventaire. Mais donc... C'est pas correct, ça. T'avais pas le droit de faire ça. Donc, on rappelle les FPS de Bungie. Puis il y a déjà un premier DLC qui est annoncé, The Dark Below, pour le mois de décembre pour la PlayStation. Donc voilà, disons, une grosse affaire qui est annoncée. Metal Gear Solid, c'est le prochain. Ça a été annoncé... pas Metal Gear Solid, parce que là, c'est Kojima. Là. C'est pour ça que ça m'est venu en tête. On va en parler peut-être après, en revenant de la pause musicale. Mais on vous dit ça, là. Silent Hills, Guillermo del Toro, puis... Hideo Kojima. Hideo Kojima. On vous dit ça, on va revenir. C'est pas mal. De toute façon, c'est pas mal ça pour Sony, mesdames et messieurs. On va revenir après la pause doublée musicale, parce que c'est déjà la fin de la première heure. De puissance maximale, ça va très, très vite. Quand on a plein de stocks de même. On peut bien dire que c'était majoritairement des trailers. Hein? Depuis tantôt, on parle. Non, il y a toujours quelque chose à dire, de toute façon, M. Castegan. Et là, on va partir en double pause musicale, mesdames et messieurs. Et là, bien évidemment, comme tout le monde vous a... Attends. Ah ben oui, ouais. Là ça vaut la peine. Bien évidemment, à moins que vous résidiez dans une caverne, mesdames et messieurs, vous avez sûrement appris le décès malencontreux, vraiment triste, de M. Robin Williams, un comédien, ma foi, très apprécié par les gens de ma génération, de celle d'avant moi et celle d'après moi, et tout le monde, en fait. Il n'y a pas grand monde que c'était je connais... C'était un charmant bonhomme. Ouais, il n'y a pas grand monde que je connais qui détestait Robin Williams. Puis c'était un grand fan de Zelda. Ouais, grand fan de Zelda, de World of Warcraft aussi. D'ailleurs, je voulais en parler. Ça, par exemple, c'est quelque chose que je mets moins dans mon ardoise de pourquoi je l'aimais. Non, mais moi, c'est pas pour ça que je l'aimais. Mais d'ailleurs, je voulais en parler plus tard, mais tant qu'à l'avoir sous la... Tant qu'à parler de ça, M. Castegan, je pense que c'est hier que ça a sorti. Ben, y a des gens, justement, des gamers qui ont dit, regardez, on sait que M. Williams était un grand fan de World of Warcraft. On veut qu'il soit immortalisé dans le jeu et la gang de Blizzard ont répondu favorablement. Là, pour le moment, j'ai pas trop de détails pour savoir ce qui va se passer, mais ça sent être genre un NPC pour M. Williams à l'intérieur de World of Warcraft. Et peut-être, là, on parlait de... Tu sais, d'un NPC qui allait répéter ses blagues les plus célèbres, ses meilleures répliques, des trucs du genre. Chez la gang de Blizzard, je trouve que c'est un beau geste quand même, là, présent, qui prépare un bel hommage pour M. Robin Williams. Et là, évidemment, j'en profite, hein, parce que des fois, ça arrive que je fasse des petits moments plus sérieux dans l'émission. M. Williams est décédé parce qu'il, d'après ce qu'on a su, il se serait enlevé la vie par pendaison. Donc, tu sais, quand quelqu'un vous dit ça va pas bien, ben n'ayez pas peur d'aller voir les gens. Et aux personnes qui se sentent déprimées, qui ça va pas bien, ben n'ayez surtout pas peur d'approcher vos amis et de demander de l'aide si vous en avez besoin. En fait, même si vous êtes pas sûr, prenez dans le guest d'aller voir quelqu'un pour vous faire aider. Aller, écrivez à Puissance Maximale. Ben, ça va nous faire plaisir de parler avec vous pour vrai. N'ayez pas peur. Et voilà, quand on a besoin d'aide, il faut aller en chercher. Puis c'est on est là pour vous. C'est pas parce que vous êtes tout le temps de bonne humeur que vous êtes obligé d'être heureux dans votre vie. Ça se peut que ça file pas. Donc n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide, mesdames et messieurs. C'est le plus important. Donc ben, l'équipe de Puissance Maximale tenait à saluer ce grand bonhomme de la comédie et aussi. Mais en même temps, excuse-moi, Mike, tant oui. qu'à parler de ce sujet-là. Hey, on pourrait quasiment dire aussi, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, il y a le Dreamland à Montréal aussi, qui sert à appuyer les infrastructures qui peuvent permettre d'éviter ce genre de tragédie. Ben tout à fait, on parlait de Dreamland, on en a parlé quelques fois depuis Geekfest Québec, ce gros land party qui se prépare à Montréal. Vous pouvez acheter vos billets, on va repartager la page pendant la pause musicale. Parce que c'est important. Ouais, ben en fait, c'est pas compliqué, ils ramassent de l'argent pour la prévention du suicide au Québec. Tout l'argent qu'ils vont ramasser pendant ce land party. était là. Donc, regardez, vous êtes des joueurs, ça vous intéresse, vous voulez encourager, vous voulez donner des sous, ben, ce serait une excellente façon de le faire. Ou, ben, tout simplement, donner de l'argent à ces organismes-là, c'est sûr. Mais pourquoi pas participer au Dreamland, voilà. Donc, comme je disais, évidemment, l'équipe de Puissance Maximale tient à saluer Monsieur Williams. Tient à, évidemment, commémorer sa mémoire. Et là, ben, on va... pour ça, parce que là, on est à la radio et qu'on part en pause musicale, ben, j'ai décidé de vous passer le thème du film Hook, donc du film Capitaine Crochet, parce que, ben écoutez, c'est sûr qu'il a fait, on parle de Good Will Hunting, Good Morning Vietnam, plein de films qu'il a fait où il a fait des rôles plus sérieux, où il est excellent, mais Robin Williams, moi, m'a fait beaucoup rire. Et en fait, mon premier fou rire au cinéma, c'est lui qui me l'a donné quand je suis allé voir Madame Doubtfire, mais crampé plus qu'à de respirer, là. C'est en allant voir Madame Doubtfire quand j'étais jeune au cinéma. Hook, donc Capitaine Crochet, je vous dirais que moi, à chaque fois que je revois ce film-là, c'est toujours comme si j'étais encore un enfant. De voir Robin Williams dans la peau de Peter Pan, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Et j'adore la musique, et la musique de John Williams, qui est un grand compositeur, qui a fait entre autres Star Wars et aussi Harry Potter, pour ne nommer que ces deux-là. Vous allez entendre le thème, ça va vous dire de quoi ça, c'est sûr. Et on va vous passer le thème de Hook, justement, pour saluer M. Williams. Et tout de suite après, on va vous mettre quelque chose qui brasse un peu plus, qui s'appelle Levons la corne, avec un groupe que j'ai redécouvert récemment. J'avais entendu quelques chansons. C'est la corne d'alcool, là. Tout à fait. On lève notre corne à... Non, c'est ça. Robin Williams. On prend une gorgée à sa mémoire, bien évidemment, parce qu'on va vous envoyer Levons la corne des bâtards du Nord. Ça, vous savez, on en passe à Puissance Maximale, tu sais, du néo-trad, un peu comme Bodakdan qui fait beaucoup de chansons de marins, la gang d'Irish Moutarde qui fait du punk irlandais, tu sais, à la. Ben, aussi comme Flogging Molly puis Dropkicks. Mais là, on va vous envoyer quelque chose dans ce genre-là, mais plus viking, genre. Mais c'est en français, c'est une gang de Québécois. Malheureusement, c'est un groupe qui n'existe plus aujourd'hui. Mais rendez-vous sur Internet, il est encore, je pense, possible de vous trouver des CD d'eux. Donc, ça s'appelle « Levons la corne des bâtards du Nord ». Mais tout de suite avant, pour saluer la mémoire de M. Robin Williams, on vous envoie le thème du film « Capitaine Crochet » dans vos oreilles. À puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9, Lévis. Thank you. respectons l'honneur des guerriers qui tomberont. Restons debout et buvons un coup. Levons la corde à nos pillages, à toutes les églises remplies d'or. Nos dracons déborderont de butin. Nous partons demain, buvons un coup. The NES Punk, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs, vous avez entendu évidemment le thème de Capitaine Crochet, de John Williams, et tout de suite après, vous avez entendu les Bâtards du Nord avec Levons la corne, petite chanson à boire entraînante. Et là, M. Castegan, comme promis, ben, on va vous parler de Silent Hills. En fait, c'est, comme on dit, une des grosses annonces dans les dernières 24 heures, c'est que un nouveau Silent Hill serait dirigé par Hideo Kojima. Et rappel, M. Castellan, qui est Hideo Kojima, pour ceux qui ne savent pas? La personne en arrière de Metal Gear Solid. Boum, boum, boum. Voilà, donc pour ça qu'il y a bien du monde qui font « Ah, ouais! » Et des studios Kojima. Et aussi, diriger, en fait, participation de Guillermo del Toro au niveau du scénario. Et de l'acteur Norman Reedus, que la plupart des gens connaissent pour son rôle dans The Walking Dead, le rôle de Daryl. Et de mon côté, moi, c'est pour son rôle dans les deux films, les deux excellents films, Boondock Saints. En fait, c'est des films qui ont passé semi-inaperçus, mais qui ont une très grosse phase, très grosse base. Une grosse fan base. Ça passait, ben c'est malade ces films-là. D'ailleurs, allez vous chercher ça. Donc, moi, c'est pour ça que je le connais. Mais voilà, donc Norman Reedus, qui joue Daryl dans Walking Dead, serait présent dans le jeu. Donc, on dit que les informations sur le jeu lui-même sont secrètement gardées. Kojima s'est exprimé, en fait, sur la façon dont l'annonce a été faite à travers le teaser interactif P.T., je comprends. C'est quoi P.T.? C'est le nom, c'est un nom de code. Ah, donc, voilà. Parce que le monde n'était pas supposé de savoir que c'était Silent Hill. Ben, c'est ça, tu sais. C'était un truc qui était à télécharger gratuitement sur PlayStation Store. Donc, Hideo Kojima avoue être déçu, ou plutôt surpris, de la rapidité avec laquelle les joueurs ont réussi à déjouer la dernière énigme du teaser. Il pensait que là, ça prendrait au moins une semaine aux joueurs pour résoudre cette énigme-là. Fait que la morale de l'histoire, c'est qu'il est pas bon pour faire des énigmes. Ah, voilà ça, finalement, tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée que Silent Hill soit fait par lui, mais en fait, ils disent, c'est ça, ça a pris quelques heures avant que les gens fassent « Ah, mais ça va être un Silent Hill! » Donc, Kojima espérait que prendre une bonne semaine, à ça que les joueurs aient eu peur devant ce fameux trailer-là, sans savoir à quoi s'attendre, mais pour lui, le fait de ne pas connaître la raison du teaser et ne pas avoir d'explications supplémentaires participe grandement au sentiment de peur. Mais bon, finalement, ça n'a pas vraiment marché. Donc voilà, c'est quand même une pas pire nouvelle qui a été lancée comme ça. Moi, je vais juste dire quelque chose. Silent Hill, avec le Fox Engine qui va être utilisé dans Metal Gear Solid 5, ça va arracher. Ça va être beau, ça va faire peur. Ça va arracher. Ça va être débile. Il n'y a pas d'autre expression. Si vous êtes du style peureux comme moi, qui n'est pas capable de jouer à Outlast sans se faire pipi dessus, emmenez-vous des bobettes de rechange. Ouais, je vais être à peu près comme toi. Je suis pas très courageux dans cette affaire-là. Mais donc, voilà, lui, en plus, pour faire accraire à un studio indépendant, il avait mis une basse résolution au niveau de la qualité visuelle pour le démo. T'sais, il a vraiment joué sur plein d'aspects. Mais non, vous avez été démasqué, M. Kojima. Donc, voilà, ce sera surveillé. Il n'y a pas eu plus de détails que ça. Évidemment, c'est un teaser qui était supposé prendre une semaine à décoder, mais non, ça a pris quelques heures. Donc, à surveiller pour les amateurs, pour le prochain titre d'Hideo Kojima, Guillermo del Toro et Norman Reedus, un Silent Hill. Mais ils appellent ça Silent Hills. Donc, colline au pluriel. Voilà. Mais en plus, à la fin, ils ont mis le thème original de Silent Hill. Ah, ben là, ça, c'est pas pour déplaire aux... au fervent admirateur. Alors moi, je connais une fan de Silent Hill que c'est la première chose qu'elle a dit. Ah ben là. elle est surtout pas assise dans le studio avec nous autres présentateurs. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Ben en fait, M. Casagrande, je parle d'Electronic Arts. Ah, OK. Ah, voilà. Electronic Arts est assis avec nous en studio. Voilà, bonjour Electronic. Donc voilà, Electronic Arts a aussi fait des annonces aujourd'hui au niveau... Ils ont évoqué quelques noms, évidemment, comme Battlefield Hardline, qui avait été annoncé au E3, les Sims 4, FIFA 15... Qui n'auront toujours pas de bambins et de piscine. Non, pour les Sims 4, malheureusement. Non. Et aussi... Un DLC. Ah non, un DLC pour les bébés, puis un DLC pour les piscines. Non, les piscines vont avoir une expansion. C'est pire qu'un DLC. Non, c'est une blague, là. Mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas de bambins et de piscine, par exemple. Non, voilà. Et aussi, ils ont parlé de Dragon Age Inquisition, que j'ai hâte de voir arriver. Pardon. Et on n'a pas entendu parler, malheureusement. Ben pour Mirror's Edge, ça me dérange pas trop. Mais Mass Effect 4 puis Star Wars Battlefront, pas entendu parler pantoute. On veut avoir plus d'infos sur Star Wars Battlefront. Oh oui, mais en tout cas, on peut toujours parler de Dragon Age Inquisition parce que pour EA, ils ont évoqué la customisation qui permettra de fabriquer des centaines d'objets qui sera possible de renommer ou de vraiment de fabriquer à sa manière à cause des upgrades qu'il va avoir à l'intérieur du jeu. Ils ont aussi présenté Skyhold qui ne sera ni plus ni moins qu'un QG à partir duquel on pourra choisir nos compagnons de route, nos missions, avoir accès aux diverses régions du monde, sérieusement, etc. Là, Dragon Age, à date, là. J'ai vraiment hâte. Il sent bon. Ah oui, il sent bon. J'ai hâte de le tester. Déjà, parce au que... départ, là, que tu puisses jouer troisième personne, pour le monde qui sont sur console, et une vue stratégique comme Dragon Age 1. Avoir la possibilité de faire le switch entre les deux, je trouve ça vraiment bien pensé. C'est numéro un. Vraiment bien pensé. Je dirais pas félicitations EA parce que c'est BioWare. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai juste hâte d'y jouer. Là. Sinon, ce qu'on pourrait rapidement dire, il va y avoir plus de 200 sorts. C'est trop pour moi. Moi, j'aime ça jouer des mages. Puis là, je fais « Ah, je ne saurais pas quel choisir » parce que... Tu sais, j'en jouais là, pas si longtemps au premier Dragon Age. Fécrom. Oh non, mais je vais faire... Gros marteau. Moi, sûrement faire un gros barbare, mais tu sais, les machines dans Dragon Age sont forts. Sont tellement... En fait, dans le 1, si tu te rappelles, tu pourrais te faire une équipe de machins puis tu passes à travers tout. C'est l'affaire la plus forte qu'il y a. Donc, le 2 s'en sort de disponible pour les mages et on nous promet des centaines d'heures de jeu pour venir à bout de cette épopée. Sinon, ben Sims 4, FIFA 15, on peut passer là-dessus rapidement. Là, les Sims 4, ma version est commandée. Ah ouais? Tu me niaises? Non. D'accord, je te juge présentement. Non, regarde, je m'en cache pas. Non, je sais, mais... Regarde, commandé? Non, attends. Moi, j'aurais attendu genre deux ans après. Attends. Laisse-moi dire une chose. Il y a du monde qui joue à Candy Crush, qui paye pour pouvoir avoir plus de vie. Tu parles-tu d'Electronic Arts dans notre studio présentement? Non, je parle pas d'elle. Là. Je parle... Okay. Mais tout ça pour dire que il y a du monde qui font ça. En frais de casual gaming, mon plaisir coupable, c'est les Sims. Je joue aux Sims depuis les Sims 1. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je ne m'en cache pas, c'est mon côté quétaine. Non, c'est correct, mais je pensais pas que tu étais genre au point de le commander tout de suite, là, c'est pour ça. C'est juste ça. Ben, il y a une édition collectionneur. Ouais, mais c'est les Sims pareil. Mais bon, bref. Ouais, mais tu connais mon amour de toute boîte qui est écrit édition collectionneur. Ouais, c'est ça. Je t'avais de te vendre une de mes boîtes de biscuits chez nous qui date de 2 mois. Là. Édition collectionneur, 200 piastres. Ça va marcher. Donc, sinon... Je suis pas dupe à ce point-là. Les jeux online, M. Castegan, ils ont parlé légèrement de Titanfall et de Star Wars The Old Republic. Tu sais, celui que t'aimes beaucoup. Là. Ah, j'ai ça. Mais ils ont aussi diffusé des vidéos d'un futur MOBA qui va s'appeler Downgate. Sérieusement, j'ai vraiment de la misère avec ça. Ben, moi aussi. Mais bon, c'est correct. On vous informe, mais on ne traite pas là-dessus. Si vous aimez ça, tant mieux, mais... Mais surtout, ça, on vous en parlait un peu plus tard, ils ont parlé du prochain jeu BioWare qui s'appelle Shadow Realms, un RPG coopératif 4 versus 1. Ça a de l'air quelque chose. Ça a de l'air quelque chose. On va s'en reparler un peu plus tard parce qu'on a vraiment une nouvelle que là-dessus. Sinon, Battlefield Hardline, donc on a pu voir, je pense, un peu de la campagne, un aperçu de la campagne solo, en fait. Donc, un peu plus sur le protagoniste principal dont le nom est Nick Mendoza, à la recherche d'une personne issue de son passé. Que c'est original! Si on laissera tranquillement le côté, et là je lis la nouvelle, tranquillement de côté le scénario qui devrait cependant être plus approfondi que celui des autres opus de Battlefield. Cette démo a été l'occasion de confirmer que ce Battlefield changera grandement de direction. Ben j'ai vraiment hâte de voir le solo si on nous dit que ça va vraiment... Je voulais juste dire, Mike, quand tu dis à quel point l'histoire était originale, là, mon capteur de sarcasme d'aiguille est parti dans le corridor. Ah, c'est ça, direct dans le rouge, mais là, tu sais, je veux dire... Ah, c'était plus rouge, là. Nick Mendoza cherche quelqu'un de son passé. Hey, c'est élaboré comme scénario. Ben, même le nom est original. Non, c'est ça, tu sais. Ça sent l'originalité. Non, mais de toute façon, les noms, tu sais, je veux dire, les noms dans les jeux, dans les films... Mais non, mais ça finit par un « A ». Ouais, c'est ça, ris tout seul. Sinon, fatigué, je pense. On pourra aussi, ils ont montré aussi pour le gameplay la possibilité de faire des approches furtives en utilisant des tasers et lançant des objets pour faire des diversions. Donc voilà, certains petits gadgets ont été montrés également. Sinon, deux nouveaux modes de jeu multi pour Visceral Games qui l'a annoncé. En fait, là, je cherche le nom du jeu sur lequel ça a été annoncé. Ah, ben, c'est directement sur Hardline, excusez-moi. Donc, ouais. Jeu multi pour les modes va être Hotwire, où on devra poursuivre des voitures marquées, et Rescue, pour dans lesquels 5 policiers devront escorter un otage en échappant à 5 méchants criminels. Donc, voilà, c'est pas mal ça pour les annonces d'IA. On peut y aller tout de suite, M. Castegan, pour justement Shadow Realms, de BioWare, qui est annoncé également. On parle d'un jeu d'un RPG. On disait coopératif 4 contre 1, un peu la mode qu'on a vu émerger comme ça au E3 cette année. Mais ça me déplaît pas, moi. Ben moi, j'aime ça beaucoup, mais en fait, surtout parce que souvent le contre 1 est optionnel. On peut jouer coop, juste à deux, puis tu sais, avec des ordis. T'sais. On peut jouer coop. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a des jeux coop, à part les jeux de tir, il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, on a quelque chose d'intéressant entre les mains. Puis surtout, la gang de BioWare, c'est toujours le fun de voir ce qu'ils vont nous concocter. Et là, on nous dit, en gros, que ça va être au-delà des limites de la réalité quotidienne. Résidant d'autres royaumes où les lois de la science ne s'appliquent pas, bien que situé dans un environnement urbain et moderne, le jeu oscillera constamment entre la réalité et fantastique. En fait, le Jeff Hickman, vice-président et directeur général de BioWare, Austin a déclaré à ce sujet, ce jeu nous ramène par bien des aspects à l'âge d'or des jeux de rôle papier-crayon, tout en proposant à nos fans quelque chose de totalement nouveau. Donc, on nous parlerait peut-être d'un esprit old school à la Donjon Dragon, bien évidemment, quand on nous parle de... C'est en ce moment un peu comme Baldur's Gate, là, en fait, de show de personnages. Ouais, ben ça m'intéresse beaucoup. Il dit aussi, c'est un jeu qui répond enfin au rêve d'un RPG sans fin, où les joueurs se retrouvent régulièrement pour continuer leurs aventures épiques aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Tous les ennemis, pièges et défis sont carrément dans les mains d'un autre joueur qui les contrôle tout comme le ferait un maître du donjon. Ça, je trouve ça le fun. C'est carrément le jeu de rôle papier amené véritablement sur les plateformes. J'ai l'impression de voir dans un film où ils disent « La technologie nous le permet ». Ouais, ben, on a de transformer un homme en machine. Non, c'est ça. Mais tu parles de l'homme bionique. Exactement. Voilà. J'achète le Steve titre. Austin, l'homme de 6 millions. Ouais. Voilà. Mais moi, j'ai jamais écouté ça. Et mais là, maintenant, c'est Shadow Realms, le jeu de 6 millions. Non, c'est ça. Mais le jeu qui le peut, mesdames et messieurs. Moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'on nous amène ce concept-là sur une plateforme numérique. On nous parle du domaine de l'univers. C'est Embra et le berceau millénaire de nombreuses civilisations disparues, ayant toutes prospéré grâce aux puissants flux arcaniques du monde. Mais pour chaque âge de gloire d'une civilisation, il existe un âge des ténèbres. Différentes cultures naissent et s'éteignent depuis des millénaires, blablabla. Voilà, vous pouvez voir un peu l'ambiance. C'est quand même, il y a vraiment beaucoup de trucs qui ont été dit par rapport à ça. Juste peut-être le système de jeu qui oppose quatre héros à un ennemi animé des pires intentions. Le Seigneur des Ombres, en fait, carrément un maître de jeu. Un peu comme on avait parlé justement avec le prochain Fables. Où il va y avoir vraiment quelqu'un qui va placer des pièges, des méchants et tout. Sauf qu'on dit que chaque joueur pourra choisir d'incarner le Seigneur des Ombres ou de l'affronter. Donc, lui-même va pouvoir gagner de l'expérience. Le joueur va pouvoir gagner de l'expérience et progresser de façon distincte selon qu'il aura choisi le camp du bien ou celui du mal. Le but sera de renfermer un... Quand on dit, tu sais, c'est un maître du donjon, mais vraiment, tu sais... carrément en opposition avec les joueurs. On n'est pas là pour faire une histoire tant que telle. On est là pour s'opposer. Donc, ce sera de refermer un portail pendant que le Shadow Lord essaye, quant à lui, de maintenir son ouverture. L'action se déroulera sous la forme d'épisodes, à la manière d'une série télé. Ça, je trouve ça aussi le fun de ne pas nécessairement se taper 8 heures de jeu en ligne, mais next episode, on se voit la semaine prochaine, puis on va jouer. Ça, je trouve ça le fun comme concept. Sinon, les classes, rapidement, il va y avoir le guerrier. Donc, équipé d'armes tranchantes, de trous droits venus de la terre, le guerrier excelle au corps à corps, bien évidemment. Un assassin, un sorcier, un clerc, un ranger, un démoniste. Il joue un peu dans la même cour que le maître des ombres. Il maîtrise l'obscurité. Il va avoir, bien évidemment, le seigneur des ombres. Voilà. C'est pas mal ça, écoutez, il y a beaucoup de détails comme ça, mais moi je vous suggère d'aller peut-être aller regarder les vidéos qui sont disponibles sur Shadow Realms sur internet. Vous allez avoir beaucoup plus de détails et même aussi, je pense, quelques images du jeu. Vraiment un titre très très prometteur, encore une fois, de la gang de BioWare. C'est à surveiller, mesdames et messieurs, pour Shadow Realms. Sinon, M. Castegan, je crois qu'il est temps de repartir en pause musicale après toutes ces annonces. Cette fois-ci, on va l'entendre un classique, selon moi, d'un groupe que j'aime beaucoup, que plusieurs personnes aiment. Ça s'appelle Aerials de System of a Down. Dans vos oreilles, à puissance maximale sur les ondes de CGMDFM 96.9, Lévis. The ones that want play. You always wanna go, but you never wanna stay. And we are the ones that wanna choose. Always wanna play, but you never wanna lose. Aerials in the sky. When you lose my mind, you free your life. Life is a waterfall. We drink from the river, then we turn around and put up our walls. Swimming through the void, we hear the word. We lose ourselves, but we find it all. We are the ones that wanna play. Always wanna go, but you never wanna stay. We are the ones that wanna choose. Always wanna play, but you never wanna lose. Studio. I'm Yun. I'm Andrew. And I'm Mike. You're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs, vous avez entendu System of a Down et son très excellente chanson. Sa très, très, très excellente chanson, Aerials. Et M. Castegan et moi, on a décidé, ben là, on va prendre un petit break de jeux vidéo et on va parler de jeux de société. En fait, un jeu que Andrew s'est acheté, a testé il y a de cela, je pense, deux, trois semaines. Trois. Puis, ben là, on a joué à ça ensemble et... J'ai beaucoup apprécié, puis Andrew m'en parlait pas mal. On va en glisser un mot à l'émission. Et c'est un jeu qui s'appelle Smash Up. Exactement. Là, je suis en train de me sortir la fiche technique du jeu parce que ça s'est décidé là, comprends-tu? Mais en fait, Smash Up, rapidement, ce n'est pas un jeu coopératif. Non, non, non. C'est un jeu où, en fait, on incarne des bandes, on va dire ça comme ça un peu, des groupes connus de l'univers de la culture pop, genre des ninjas, des pirates. Des cultistes de Cthulhu, des pirates, des plantes des carnivores, des robots, des zombies. Bref, il y en a quand même pas mal. C'est un jeu... Des fanatiques du steampunk. Ouais, mais en gros, qu'est-ce qu'il faut? On parle d'un jeu de 2 à 4 joueurs, M. Castegan, qui est sorti en 2012. Fait par Alderac Entertainment Group. Ouais, et je pense... Et c'est la même gang qui l'édite en français que pour King of Tokyo. Exactement. Sur ma zone, je me rappelle plus comment cette maison-là d'édition s'appelle. Yellow. Merci. Voilà. Ne pas confondre avec YOLO. Non, c'est Yellow, I-E-L-L-O. C'est ça. Voilà, c'est eux qui l'éditent en français comme pour King of Tokyo. Voilà. Là, on a joué à ça et... Moi, j'ai beaucoup aimé. Et là, tu sais, je sais pas si c'est une mode dans les dernières années. Excuse-moi. Faut qu'on le dise parce que le monde va faire awesome. Les dinosaures équipés de canons laser. Oh oui! J'avoue que quand tu les as sortis, ben, y a aussi les farfadets à l'irlandaise, là, il y en a plein. Mais j'avoue que les dinosaures équipés de rayons laser et de lance-missiles, j'ai beaucoup, je les ai beaucoup aimés. Et les fameux habitants de Innsmouth. Ouais, ça c'est la gang, je pense, c'est par rapport au mythe, en fait, à l'univers Lovecraftien, il y a d'autres gangs dans le jeu qui par rapport à ça, dont les adeptes, les cultistes de Cthulhu. Les anciens. Les anciens, et je pense qu'il y en a un autre. Ben, je pense les habitants trois. De Innsmouth. C'est ça. Et les universitaires de... De l'université... Je cherche le nom, mais bon, bref, on en reviendra là-dessus. Mais Andrew, qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu, là? Détruire des choses. Non, ouais. Mais c'était la chronique. Non, en fait, c'est que c'est un... Comme tu disais, c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Sauf que suite à la relecture des règlements, j'ai su qu'à chaque expansion qu'on rajoutait au niveau du jeu, on peut faire un plus 2 joueurs de supplémentaires. Donc, en fait, moi, j'ai les deux premières expansions qui sont avec le jeu. Ça veut dire que j'ai une possibilité de jouer jusqu'à 8 joueurs. Donc, c'est quand même considérable. Donc, en fait, c'est l'université Miskatonic, mon cher Castagnan. Merci beaucoup. Et le principe, dans le fond, c'est que vous avez les différentes bandes qu'on vous a dit. Il faut, au hasard, en choisir 2 là-dedans qui vont représenter votre force d'invasion. Et il y a sur la table un nombre de bases équivalent au nombre de joueurs plus 1. Donc, maintenant que vous êtes 3 joueurs, il y a 4 bases en jeu. Et les bases ont des points de résistance. Et le principe, c'est que les monstres ont une force. Il faut empiler des monstres sur les bases juste à temps que le point de résistance brise. Et après ça, on compte qui a le plus de points dessus. La répartition des points se fait en fonction de ça. Et c'est le premier qui atteint 15 points. Et là, pour faire ça, évidemment, on a les personnages, nos monstres, en fait, qu'on va mettre. On a les actions aussi qu'on peut faire. On peut faire un monstre et une action par tour. Et qu'est-ce qui est le fun? C'est que toutes les règles du jeu sont sur les cartes. En fait, vous avez juste besoin de savoir comment les tours marchent et tout le reste, c'est écrit sur les cartes. Ça s'apprend en 2 secondes et quart. C'est vraiment facile. C'est ça, nous autres, on a joué à ça après un party. Après un gros souper qu'on s'est fait en gang, il y a une gang qui jouait à Cards Against Humanity. Nous autres, on a commencé à jouer à ça. Ça a pris une minute. Je connaissais les règles et ça s'est très bien passé. En plus, les créatures, en plus de les empiler, ils valent des points, mais aussi, ils ont des pouvoirs qui peuvent nous aider, justement, à chasser nos ennemis de certes de base ou de les déplacer. C'est stratégique, quand même, le jeu. C'est pas le jeu le plus stratégique au monde. Faut être chanceux, bien évidemment, c'est ça. Il faut y penser quand même. Faut vraiment y penser. C'est parce que chaque clan a une façon d'être joué. Non, c'est en plein ça. Exemple, les zombies. Tant qu'on a des zombies en jeu, ben généralement, ils ont des pouvoirs qui permettent d'aller rechercher les zombies qui ont été tués. Comme les habitants de Innsmouth, là, qu'on parlait justement, ben eux, ils ont juste des habitants d'Innsmouth et le principe, c'est d'aller sortir les cartes. C'est comme un peu les ergs dans StarCraft. Non, c'est en plein ça, c'est des rushs qui font... C'est ça, exactement. Il y a les aliens qui permettent de renvoyer des cartes dans les mains des joueurs, plein de choses comme ça. Puis les adeptes de Cthulhu, vous comprendrez que c'est la corruption. Ah oui, tout à fait. Et les dinosaures qui tirent des lasers qui font très mal. C'est de la destruction. C'est de la destruction totale. Et les anciens, c'est juste totalement abusif. Ouais. Puis, faut dire que les groupes, on ramasse 2 groupes par personne et c'est choisi au hasard au début. Ben, c'est ça, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Donc, ça, on peut être très chanceux comme on peut ne pas l'être au niveau des groupes. Des fois, il y a des combinaisons qui se font moins bien ou qui se répètent un peu. Je pense que c'est les pirates qui se déplacent beaucoup. C'est possible de les tasser après. Parce que quand on perd une base, quand on gagne une base, en fait, tous les monstres qui sont là sont discartés. Mais certains peuvent se déplacer pour les pirates. Mais il y a un autre groupe comme ça aussi. Je pense que les steampunk. Sauf que les steampunk, c'est pas. Le principe, c'est pas quand la base est conquise. C'est eux, ils peuvent se déplacer avec des cartes actions qu'ils mettent sur les bases. Donc, fait que eux, c'est pendant la conquête. Ça, il faut faire attention. C'est ça. Il y a des groupes, des fois, qui se ressemblent un peu. C'est un peu plus plate. Ça se complète moins bien. Mais bon, c'est les fruits du hasard. Donc, il faut être chanceux au départ. Mais un jeu, ma foi, qui se joue quand même assez rapidement. On nous parle d'une demi-heure à 45 minutes. Ça peut être un peu plus long, tout dépendant. Du nombre de joueurs, bien évidemment. Si on est 8, ça peut être effectivement plus long. Mais quand même, ça joue rapide. C'est pas une game là, qu'on pense des heures non plus. T'sais, on n'a pas 20 000 cartes puis 20 000 façons de jouer. On peut aller maximum 10 cartes dans nos mains. Et ça se joue quand même assez rapidement. Un beau jeu, principalement que des cartes et des marqueurs. Très bien fait, des belles illustrations. Moi, que du plaisir de mon côté. Et là, juste pour avertir, en anglais, il y a déjà une troisième expansion qui est sortie qui est Science Fiction Double Deck, okay. Qui rajoute 4 nouveaux groupes, qui sont les Voyageurs dans le Temps, les Singes Robotiques, oh yeah. Les Super Espions, et les Shapeshifters, donc dans le fond, les Métamorphes. OK. Et celle-là, il t'avait de sortir en français, parce que moi, j'ai acheté le jeu en français. En passant, ce jeu-là est le même prix. En français ou en anglais? En anglais. Du moins, le magasin okay. où je suis allé, il était exactement le même prix, peu importe laquelle des deux versions que je prenais. Fait que, au pied aller, Danny de la Revanche pourra confirmer, parce que je sais qu'il nous écoute. Ben, présentement, oui, effectivement. Fait que, il pourra confirmer, mais je sais que le magasin où moi je l'avais acheté, il était le même prix. Et si la Revanche ont les deux versions, je suis pas mal certain qu'ils vont peut-être avoir $1 ou $2 de différence. Là. Ça doit pas être majeur. Là. Sinon, il y a une autre expansion qui a été annoncée au niveau là, de la version anglaise. De Smash Up qui est Monster Smash, okay. qui rajoute des vampires, des scientifiques fous, entre parenthèses Frankenstein et compagnie, les fourmis géantes et les loups-garous. Ok, c'est bon. Mais c'est ça qu'il ne peut pas avoir toutes les bébites en même temps. Mais bon, hey, je suis en train de lire ça. En tout cas, on aura peut-être besoin d'une confirmation. Je suis en train de lire un Munchkin Smash Up. Peut-être. C'est des rumeurs qui se promènent sur Internet. Ah ouais? Ça pourrait être cool. Donc voilà, pour ceux qui veulent conquérir des bases, attaquer leurs amis, tout ça dans la joie et la bonne humeur quand même. C'est pas un jeu de destructeur d'amitié comme des fois peut être Munchkin ou autre jeu du genre, mais ça va très bien. Ah oui, on a oublié une autre sorte. Je vais faire un tour rapide parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Awesome Level aussi, c'est une expansion déjà accessible. OK. C'est ça. Bon, on va faire le tour, dans le fond, rapidement. Il y a les plantes carnivores, les fantômes, steampunk et la cavalerie d'ours. Ah, une cavalerie d'ours, c'est un must. Mais moi, j'aime beaucoup la description. Qu'est-ce qui est épeurant? Un ours. Qu'est-ce qui est encore plus épeurant? Un cosaque en train de chevaucher un ours. Ah, ben là, évidemment. Ouais, ça aurait été mieux s'il y avait eu Vladimir Poutine sur un ours. Ça aurait été malade. On sait pas, il l'a peut-être. Il l'a peut-être. Écoute, ça, c'est pour le Awesome. Oui. Puis l'autre, ben, le Cthulhu, on a fait le tour tantôt. Sinon, pour le deck rapidement, le deck régulier, il y a Pirate, Ninja, Zombie, Robot, Dinosaure, Magicien. Après ça, il y a Trickster, ça, c'est les Farfadets, puis les Aliens. Excellent. C'est ça, toi, parce que là, on a joué, parce que toi, t'as deux des trois expansions, là, présentement. Oui. Excellent. Et là, j'ai Danny, évidemment, de La Revanche qui nous écoute et qui me dit que présentement, en stock, ils l'ont à La Revanche pour les amateurs, là, ceux qui veulent l'essayer, disponible évidemment à La Revanche. Mais si vous voulez l'acheter aussi, ils les ont avec les deux expansions, à 35,99 pour le jeu principal puis 18,99 pour les expansions. En français ou en anglais? Ah, ben c'est ce que je vais lui demander. Au pire, on pourra peut-être répondre de ça après la prochaine pause musicale, parce que je suis pas sûr qu'il va avoir le temps de me le dire. Puis s'ils l'ont en français et en anglais, la différence de prix entre les deux? On verra bien. Donc, il nous écoute, de toute façon, il va nous entendre. Donc, écoutez, Smash Up, selon moi, un achat. C'est pas juste une question d'aller le tester. Hein. Je suis pas mal sûr que... Puis achetez-le à la revanche. Ben aussi, parce que c'est nos amis, puis on sait qu'ils sont là pour vous, chers auditeurs et consommateurs de jeux. Mais sans faire, c'est un achat, c'est même pas une discussion de « Allez l'essayer avant ». Non, non. Vous allez vous faire du fun, ça va bien, on apprend ça rapidement. C'est juste du gros plaisir sale. À vous, t'as le goût d'y rejouer, là. Ben oui, tout à fait. On en parle, t'as envie d'y rejouer. Mais c'est Munchkin que j'ai hâte de rejouer aussi. J'ai hâte ça fait vraiment un bon bout que j'ai pas joué. Faut qu'on fasse une petite journée. Un petit dimanche, là, plate, là, tout le monde fait « Ah, je fais du lavage. » Fuck le lavage, là. Ça, c'est, t'emmèneras ton lavage chez nous. C'est ça. Ça va te coûter moins cher de change. C'est ça. puis on va jouer pendant ce temps-là. Ça va être pas mal mieux. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ce qui était de Smash Up. Pour Smash Up, ce que Danny a en stock à la revanche, c'est Cthulhu Tang et Même pas mort. Même pas mort? Même pas mort. That's weird. Tant que je l'ai pas, celle-là. Il faut qu'on se parle, Danny. peut-être que tu ne l'as pas, il faut que tu te lances. Parce que moi, c'est peut-être le Awesome Level 9000 qui a été traduit par Même pas mort. Ah, ça se peut. peut-être. Possible, ça sera vérifié. Donc, rendez-vous à la revanche si vous êtes intéressé par le jeu pour le tester ou l'acheter. Ils ont ça entre les mains. Voilà, c'est dit. Monsieur Castellan, merci beaucoup de nous avoir parlé de Smash Up. Et on va se refaire une partie prochainement. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça, c'est exactement ça. Ah, voilà, voilà, voilà. Donc, on vous rappelle, jeu de 2 à 4 joueurs. Mais on nous dit, c'est toujours plus le fun quand c'est plein de joueurs. Mais ça peut être encore plus si vous avez les expansions. On parle de parties d'environ une demi-heure, 45 minutes, une heure, tout dépendant du nombre de joueurs. Nous avions joué à peu près une heure, nous autres, quand on avait joué. On a pris notre temps. Pis. Et sinon, on dit que c'est pour 12 ans et plus. Et même... Non, 10 ans et plus, excusez-moi. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est dit. Et M. Castellan, nous allons partir en pause musicale pour revenir pour un dernier blitz de nouvelles ludiques. Là, tu voulais faire plaisir à Pink Vivi, à vous. Ben, à moi aussi, ben, ça fait longtemps que qu'on l'a pas passé, cette chanson-là, encore du Nile Band, et je l'aime beaucoup. Ça s'appelle Même Pommage. Ça fait on l'a déjà passé, mais ça fait vraiment longtemps. Donc, on vous envoie ça, la gang du Nile Band, Même Pommage, à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9, Lévis. Je viens d'un tout petit village, si pourri qu'il n'a pas de nom. J'ai échappé à un pillage, caché au milieu des cochons. Couvert de lisier, sentant la mort, dignement je me suis relevé. Et je suis parti vers le nord, bien décidé à oublier. J'avais à peine marché 2 heures, j'entendis les tambours de guerre. Soudain, alarmé, j'ai pris peur. J'étais vraiment dans la galère. De chaque côté, 2 armées, épées et boucliers levés. Commençaient les hostilités et moi j'étais dans la mêlée. Je ne suis pas un magicien, j'ai jamais tué de dragon. Si j'en suis là, c'est le destin qui m'a vraiment pris pour un con. C'est vrai quoi, merde. Le roi vraiment reconnaissant fit de lui un proche chevalier. À deux mains levant son épée pour lui jurer fidélité. Par le quoi il fut emporté et la tête du roi tranchée. Je m'imaginais balançant sous le gibet sur la grande place. J'avais aussi un tyran et l'on me fit roi à sa place. Bien au-delà de mes frontières, on chantait partout mes exploits. Si bien que mes autres confrères étaient à mort jaloux de moi. Il n'était pas un magicien, n'a jamais tué de dragon. S'il en est là, c'est le destin qui l'a vraiment pris pour un con. Et bien décidé à en finir avec ce terrible cauchemar, je convoquais tous les monarques pour leur dire que j'en avais marre. À table et autour d'un repas, j'abordais l'histoire des cochons. Les rois qui se foutaient de moi rirent et s'étouffèrent pour de bon. Mais qu'ai-je donc fait au destin pour qu'il s'acharne ainsi sur moi? Son rêve c'était d'être bon à rien, pas chevalier, encore moins roi. J'aurais voulu être paysan et puis épouser une belle blonde. Et c'est plus possible maintenant qu'il est devenu maître du monde. Bah que je suis devenu maître du monde. Qu'il est devenu maître du monde. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. un magicien n'a jamais tué de dragon. S'il en est là, c'est le destin qui l'a vraiment pris pour un con. Ouais, eh ben merci, hein. Bon alors, vous me les cirez mes chaussures? Pas vrai ça. Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiaud, invité d'honneur de GÉANIME 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs, vous avez entendu Même pas mage du Naul Band. Et on revient en nouvelle ludique rapidement, M. Castellan. Écoute, savais-tu que tu vas pouvoir regarder tes films et tes séries télé piratées sur ta Xbox One? Ben, c'est déjà mieux que la PS4. Ben, effectivement, en fait, tout ça pour dire rapidement que la Xbox One va devenir compatible avec les formats .mkv, en fait, qui est un contenant, dois-je le rappeler. Le .mkv, c'est pas un format vidéo en tant que tel, c'est un format qui, c'est une, on va dire, une boîte qui contient des formats vidéo, hein, parce que dans un mkv, vous pouvez pitcher genre les sous-titres et tout, puis là, ça marche tout bien. Tout marche ensemble. C'est ça. Et donc, le Xbox One sera compatible avec ça, puis en plus, il va avoir justement une nouvelle application qui va s'en venir pour le Xbox One, où ils vont pouvoir lire des trucs directement sur un USB device, donc sur une clé USB ou un disque dur externe. Il va pouvoir aller les lire. Donc, si vous avez une grosse collection de films, parce qu'on s'entend que pour les points de MKV, c'est le format privilégié par les pirates de films, de séries télé et autres trucs vidéo. Donc, vous allez pouvoir faire ça, mesdames et messieurs, sur votre Xbox One. Là, je sais, ils n'ont pas précisé quand est-ce que ça va être... disponible, mais ce sera surveillé pour la Xbox One. Puis en plus, vous allez pouvoir même regarder des gifs animés. Ça va être malade. votre Xbox One, voilà. Sinon, M. Castellan, autre nouvelle, Might and Magic Heroes 7 a été annoncé sur PC lors du Gamescom, justement, vu qu'on n'avait pas parlé énormément de PC. Donc, c'est Ubisoft qui a annoncé l'arrivée de Might and Magic Heroes 7 sur PC. L'histoire de ce nouvel épisode se déroule pendant la guerre civile, ayant mis à mal la dynastie régnant sur le Saint-Empire. Donc, vous serez à la tête de 6 héros en charge de mettre un terme à la guerre de succession qui fait rage depuis que le trône est laissé vacant. Le jeu est prévu pour 2015, développé par le Unreal Engine 3.0 par Limbic Entertainment et on nous garantit des effets météo et lumineux dynamiques. Une durée à peu près 60 heures qui est annoncée pour l'intégralité de la campagne principale. Ça a bien de l'allure, ça. Quand même. Ouais. Donc voilà, ça sera surveillé pour les amateurs de cette série-là et de médiéval fantastique en général. Might and Magic, c'est jamais... c'est pas la franchise la plus connue et la plus jouée, mais... C'est quand même assez bien. D'ailleurs, je pense que Vincent Langlois, ancien animateur de l'émission, est un gros fan de cette série-là, je crois. Donc, on voilà. Dit ça de même. On dit ça de même. Si il nous écoute, manifeste-toi. Ouais, tu pourras confirmer, Vincent. Sinon... J'ai une nouvelle, moi aussi. Oui, ben c'est ça. Vas-y, M. Castellan. La console Alienware Alpha serait disponible en novembre. Oui. C'est par le biais d'un trailer qui semble montrer que la console s'adresse principalement à des hipsters fanatiques du parcours. que Alienware a montré leur petite boîte qui est un peu, dans le fond... sur le principe de la Steam Box, c'est ça. Non? Et qui serait une machine ayant un processeur i3, 4 GB de RAM, 500 GB de disque dur, se joue avec une manette de Xbox 360. Ça, j'ai trouvé ça un peu étrange, personnellement. Bon, tu te casses pas la tête à développer un hardware. On se casse pas la tête, non, effectivement. Fait que je présume que ça va sûrement être compatible avec manette de Xbox One et toute manette reconnue par un environnement PC, là. Donc, on parle d'une console qui serait dans les alentours de 550$ à peu près. Je trouve ça quand même un peu dispendieux. Ouais. On voit parce très bien qu'il surfe sur le nom de Alienware. Parce que ça en faire, c'est, on rappelle, la Steambox, ça va être pour jouer à des jeux disponibles sur Steam. Oui. Puis vous ne pourrez pas toutes les jouer dans le tapis avec les specs qu'on vient de voir là. Non. Ça fait que 500$, c'est cher. Ben... Ça dépend d'une certaine façon parce que les caractéristiques PC sont calculées en fonction d'un système d'exploitation qui roule en arrière-plan. Tandis qu'ici, on parle d'une interface Alpha UI qui est développée exclusivement par le développeur pour une interface de la console. Donc, on parle pas d'un système d'exploitation extrêmement exigeant qui roule en arrière-plan. Mais en même temps, c'est pour le genre de jeu qui joue avec des manettes, souvent, vous allez avoir disponible ça sur des consoles pour moins cher. Oui, mais peut-être qu'il va marcher avec un clavier souris aussi. Peut-être. Mais ça, c'est sûr que moi, je vois pas l'intérêt parce que je suis équipé PC à la maison. Non, effectivement, mais tu sais, mettons que quelqu'un veut un PC gaming, puis un plus petit budget, ben tu sais, le catalogue Steam est quand même très gros. Là. Fait que, ouais, non, ça, c'est ça, sûr. Si le fait que, justement, il n'y ait pas beaucoup de ressources sur la machine utilisée pour l'interface, puis qu'on peut jouer quand même à une très bonne qualité pour les jeux récents, 500$ pour un PC de gaming... Non, quand même, ça a de l'allure. Ça sera à vérifier, voir les performances une fois les jeux dedans. Là. Ben c'est ça, parce que... Parce qu'une console, tout court, c'est cher, mais bon, c'est comparé à un PC. Bref, à surveiller. Écoute, M. Castagan, je sens les mains, là, justement, Danny de la Revanche vient de me dire que pour Smash Up, pour la version française, la troisième expansion, ce ne sera pas avant l'automne. Donc, ça s'en vient, pas avant, ça s'en vient quand même assez rapidement. Donc, voilà. Puis en anglais, on se demandait peut-être pour le jeu en anglais, pour le jeu principal, on parle de 26,99. Fait qu'il y a une place qui essaie de faire un profit démesuré sur le jeu en anglais. Oui, tout à fait. Toi, programme au niveau, je le voulais en français. Ben voilà, c'est réglé. Donc, merci beaucoup, Danny, pour l'information. Sinon, M. Castagan, peut-être une dernière nouvelle que ça pourrait peut-être en intéresser certains, en fait, beaucoup. The Walking Dead, cette fameuse série, tant écouté, mais surtout un excellent comic book. Ben, en fait, il y a un jeu qui s'en vient. On sait qu'il y a un jeu d'aventure pour être une clique, mais là, il y a un first-person shooter qui s'en vient. Espérant qu'il va être meilleur que celui d'Activision. On va nous le souhaiter, mais en fait, c'est la gang d'Overkill, c'est eux qui ont fait PD, donc le jeu de cambriolage. Ça fait qu'on va se faire violer par l'intelligence artificielle. Oui, ça va être, en tout cas, ça risque d'être difficile. Donc, donc on nous dit que pour ça a été annoncé justement pendant la Gamescom 2014, donc aujourd'hui. La gang d'Overkill est actuellement à l'œuvre sur un FPS coopératif inspiré directement d'une licence connue, donc The Walking Dead. On nous promet des éléments d'action, de jeu de rôle, de survival horror et d'infiltration, bien évidemment. Parce qu'on peut pas toujours être en mode destruction massive de zombies. Ah. À part si vous jouez à Left 4 Dead. Donc vous incarnerez logiquement... Left 4 Dead 3. Un jour, ça ne devrait pas trop tarder. Vous incarnerez donc un groupe de rescapés tentant de survivre aux ordres de morts qui se relèvent. Ça va se passer à Washington en 2016. Ce qu'on suppose être également une fenêtre de sortie du jeu. Et apprenons que Robert Kirkman, le créateur de la série The Walking Dead, a étroitement collaboré avec le studio. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir la... Ben, on a juste regardé The Walking Dead fait par... Telltale's Game. Oui, oh, oui, c'est ça. Donc, c'est le fun que justement le créateur original se mêle à tout ça. Donc, évidemment, là, pour la fidélité quant à la série, on a aussi annoncé via Steam qu'il s'agira d'un FPS co-op inspiré de la licence que tous les fans attendent. Donc, on nous prend... Là, donc, le jeu d'Activision. Là, il crée beaucoup d'attentes présentement là, avec, cette annonce-là. Donc, ça sera surveillé pour Je leur fais, confiance. Oh, oui, je leur fais confiance. Avec le genre de jeu qu'ils font. Ben, c'est le fun PD. C'est juste parce que j'ai pas la patience. Ah non, moi non plus. C'est un jeu cool, mais je suis pas une ben trop énerve. C'est comme Dead Soul et... Non, c'est ça. Non, c'est pas Dead Soul. C'est Demon's Soul et Dark Soul. Ouais. C'est comme ces deux jeux-là. C'est pas cool. C'est des bons jeux, mais pas cool. Donc voilà, c'est annoncé un FPS très prometteur selon monsieur, pour la gang d'Overkill qui prépare ça. Ce sera surveillé, bien évidemment. Une grosse annonce. Content d'avoir vu passer ça. Monsieur Castagan, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Je tiens à te remercier pour ta participation, bien entendu. Merci à tous les auditeurs qui étaient là ce soir. Merci beaucoup à M. Danny de La Revanche qui est venu nous donner de l'information pendant qu'on parlait de Smash Up. Merci d'ailleurs de nous en avoir parlé, M. Castagan. C'est un plaisir. Et on vous rappelle en terminant que... À un moment donné, je pense qu'on va caler la shot à La Revanche. On va dire, venez jouer à Smash Up avec Puissance Maximale. Ben, tout à fait. Ouais, on pourrait faire ça, s'organiser une soirée gaming avec nous pour Je suis sûr que Danny serait d'accord. Ben, tout à fait. Donc, on vous rappelle, mesdames et messieurs, que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez-y pour pouvoir écouter nos anciennes émissions en streaming. Pour le moment, le download sera de retour incessamment, un moment donné. Sinon, rendez-vous sur la page Facebook de Puissance Maximale. Appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, grâce à ça, surtout, vous pourrez participer à nos concours, dont d'ailleurs les gagnants pour le concours de la semaine passée sont pour le concours de Pink Vivi, Mme Marie-André Sinotte, et pour les billets de La Revanche, M. Samuel Lachance. On va vous contacter pour vos adresses respectives, mesdames et messieurs. Et sinon, on vous dit de passer